since our voyage of love began. Your touch has thrilled me like the rush of the wind, and your arms have held me safe from a rolling sea. There's always been a quiet place to harbor you and me. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Parlons Cinéma, l'émission où on discute des actualités cinématographiques qui nous ont marqué durant le mois passé. Vous êtes à l'écoute de l'épisode numéro 26, enregistré le 29 octobre 2017. Je suis Axel, votre hôte pour cette émission. On va vous parler des actualités du 27 septembre au 29 octobre et j'ai le plaisir de recevoir avec moi un invité habituel de l'émission, Eddy. Salut. Salut. Comment tu vas? Ça va. Comme un gars qui sort du boulot, enfin, ça va. Mais s'il y a des gens qui travaillent le dimanche, hein, oui, oui. voilà, j'espère que t'es au moins en forme. Oui, mais finalement, j'ai dormi une heure de plus. Oui, c'est vrai, comme on a changé l'heure, justement. Hier soir, je raconte un peu ma vie, on a le temps. J'étais à un concert de John Williams. Ouais. Alors, pas avec John Williams. Oui, hein, bien sûr. Hein. C'est un concert de ville. En fait, c'était la ville à côté de chez moi, Cholet, pour ceux qui connaissent, qui en fait célébrait son, enfin fêtait ses 30 ans de jumelage avec Oldenburg en Allemagne. D'accord. Et du coup, il y a l'orchestre allemand et l'orchestre Choletais qui se sont réunis pour rendre hommage à John Williams. Sauf que il y avait que des cuivres, des bois et des percus. Donc il du avait coup, il n'y avait pas de violon. Il n'y avait pas de violon, il n'y avait pas de corde, à part un piano et une harpe et deux violoncelles. D'accord. Donc voilà, donc ça limitait en fait beaucoup les choix de chansons. Et, c'est sûr. Bah, j'ai été voir un concert de John Williams, mais sans Jurassic Park, sans E.T., sans Les Dents de la Mer, que Star Wars. Mais il y avait Star Wars. Il y avait Star Wars, il y avait le soldat Ryan. Ouais. Lincoln. Et attends, il y avait Lincoln, j'ai cru revoir ça. Ouais, ouais, c'est vrai que Lincoln, je me rappelais plus des musiques, mais ça m'avait pas marqué, mais c'est normal en fait. C'est vraiment pas sa meilleure. Non. Enfin, comme pour Spielberg, hein, c'est vraiment pas son meilleur film. Hein. Non, c'est pas son pire non plus, mais. Après, voilà, bon, c'est sûr, hein, Star Wars en live, c'est top. Hein. Bah, c'est sûr, c'est clair. C'est vraiment bien. Bon, après, ça valait ce que ça valait, c'est des amateurs, hein, faut pas non plus. Et c'était gratuit. Gratuit. Ouais. Donc, tu peux pas te plaindre. Donc, voilà, je me suis plaint, mais bon, en gros, j'ai juste à fermer ma gueule, quoi. J'avais qu'à pas y aller. Mais non, c'était très bien, j'aurais pas d'y avoir été. C'est juste que quand j'ai vu la programmation avant, et quand j'ai vu la programmation arriver sur mon siège, merde, pas de indie, rien du tout, et pas de Harry Potter, alors qu'Harry Potter en live, ça devait être sympa aussi. Mais bon, ça devait être sympa. Ouais. Tant pis. En plus, il y avait récemment le ciné-concert Jurassic Park, je crois. À Paris, Rex, sûrement, ouais. À Paris, et qui devait être génial, mais bon. Là, voilà. Ça devait être vraiment cool, ça. Ouais. Donc, on va vous parler de quelques petites news. Il y a beaucoup de bandes annonces qui sont sorties. Ouais. L'émission ne devrait pas durer trop longtemps. On fait juste un petit coucou à Adrien et Morgane qui devaient être là pour le podcast, mais dû à des problèmes de planning, etc. On a fait sans eux, mais voilà, on leur fait un petit coucou et de toute façon, vous les réentendrez dans le prochain Movies Nerd sûrement, qui sortira dans pas très longtemps. Il n'y a pas de souci. Hein. Oui, oui, bien sûr, hein, il n'y a pas de souci. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec une première news sur Avatar 2, justement, qui a commencé à être tourné récemment. Là. Je crois qu'on en avait parlé dans le dernier Parlons Cinéma, si on en a pas parlé. Oui, il est en tournage un peu plus d'un mois maintenant. Voilà, c'est ça. Et on a certaines photos ont été dévoilées des nouveaux acteurs de la nouvelle génération qui vont apparaître dans le film. Donc, de toute façon, les liens des images et des bandes annonces, etc., sont dans l'article du podcast. Donc, si vous voulez aller les voir pendant que vous écoutez ce podcast, ce serait peut-être mieux parce qu'on va pas vous décrire les photos. Mais voilà. Donc on a un petit aperçu du casting, des nouvelles personnes du casting. Donc le casting des enfants se composera de Jamie Flatters, Brittain Dalton, Trinity Bliss, Bailey Bass, Philippe Gejo, Duane Evans Jr. et Jack Champion, ce dernier qui incarnera Javier Socorro, le seul humain né dans le complexe militaire de Hell's Gate. Quant aux autres, certains sont les enfants de Jack Scully. Donc attends, Hell's Gate, c'est leur base sur Pandora, c'est ça, hein? Ouais, c'est, oui, il okay. me semble. C'est dans l'article, hein, mais j'imagine que c'est ça. Hein. J'ai pas vu le film depuis assez longtemps, mais... Moi, je l'avais revu il y a pas trop longtemps, justement. Mais pour tester mon 5.1. Ouais. Et c'est ça, c'est très bien pour tester son 5.1. Et oui, ah, ça doit être ouais. ça, ouais, Hell's Gate, ouais, je crois. Ouais, ouais. Les autres sont soit des enfants de Jake Scully, donc le personnage de Sam Worthington, ou d'autres sont des Metcaïna, pardon, un autre clan Navi. Une autre voilà. tribu, ouais. C'est oui, ça. Parce que les Omaticaya, les ouais, Navi qu'on voit dans le premier, enfin ouais, le groupe Navi que l'on suit, Neytiri et tout ça, quoi. Alors moi je vais avouer tout de suite que ma culture Avatar est très très faible. Hein. Mais moi j'avais vu que j'avais bien aimé quand c'est sorti, j'avais acheté le bouquin. Ouais. Okay. Ouais, ouais. Et il est vachement bien, il est génial parce que du ouais, coup, il était... bah, c'est déjà c'est un beau livre. C'est vrai que si on aime le film, c'est vraiment un truc à avoir. Et puis ça permet vraiment de se rendre compte de tout le travail en fait. En amont. Ouais. De toute l'imagination du. Ouais. Bah, du. Enfin ouais, tout l'imaginaire de Pandora de. Et c'est vachement bien, c'est vachement intéressant. Mmh. Ça va jusqu'aux théories scientifiques, comment les montagnes elles flottent et tout. Enfin, c'est tout est expliqué. Ouais, non, c'est vraiment complet. Et à la fin, je crois qu'il y a même un dictionnaire français Navi, je crois. Finaise. C'est assez rigolo. Ouais, bah, ouais mais bon, bah, en même temps, ils ont fait une langue non, pour le film. Alors, bah oui, tant qu'à faire. Hein, c'est, tant qu'à faire. Et donc, Avatar 2 sortira en salle le 16 décembre 2020. Et aussi, tant qu'à faire, tant coup, qu'on parle de ça. Après le premier. Ouais, c'est ça. C'est dingue. 11 ans. Ça, c'est fou. Donc, Kate Winslet aussi, ça a été annoncé qu'elle rejoignait le casting. Donc, qu'elle retrouvait Cameron. 97 Titanic, donc ça fait quand même un petit bout de temps quoi. Ouais. Et elle retrouve Cameron pour jouer dans Avatar 2. Et comme on disait juste avant le tournage, voilà, avant l'enregistrement avec Eddie, c'est que on voit très rarement Kate Winslet dans des rôles, enfin dans des films à aussi gros budget, grand spectacle. Et ça fait plaisir parce de la revoir. Je crois que le dernier blockbuster qu'elle a fait, ça devait être Divergente quoi. Donc Ouais. C'est clair. C'était là, pas le rôle de sa carrière. Non, clairement pas. Donc voilà. Alors, après, que tu penses de... est-ce qu'elle sera gentille ou méchante dans le film ? On sait pas. On n'en sait pas plus. On sait pas plus. Qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Déjà, les enfants, je crois qu'ils sont pas connus pour la plupart, donc on peut non, pas vraiment bah avoir d'avis. Reste mais... à voir leur rôle. Mais c'est vrai que une photo. Le fait qu'il y ait une jeune génération. Qui arrive dans le monde d'Avatar, est-ce que ça peut être intéressant ? Bah, disons que ce serait logique dans l'histoire. Ouais. Mm-hmm. Ce serait oui. logique. Et après, je pense qu'en termes de message, ça peut être beau parce que finalement, les Navi, un Avatar et un Navi, c'est pas la même chose. Donc, on voit bien qu'ils ont des différences. Enfin, Jake, c'est un Avatar, c'est pas un vrai. Ouais. Un vrai Navi. C'est ouais. ça. Et du coup. Bah, ça peut être beau dans l'idée de se dire il y a pas enfin ça fait tomber les barrières les machins quoi donc ça c'est assez beau et tout et ce sera logique dans le message si ça part dans cette optique là hein, c'est que de la spéculation bien sûr mais si ça part dans cette optique là c'est bien parce que bah James Cameron reste sur sa lancée qu'il avait amorcée dans le premier film c'est pas avoir peur de l'autre aussi au-delà du message écologique c'était ça quoi Et après, faut que ça soit bien amené. J'espère que les enfants seront bons. En général, les Américains sont plus forts que nous en France pour diriger les enfants. Au niveau des castings des enfants, ils sont plus forts, c'est vrai. Après, on connaît aussi les exigences, de James Cameron. Donc, je pense que non, on peut quand même être assez rassuré. Après, bon, tout le monde peut se planter. Il y en a qui ont jugé qu'Avatar, c'était complètement. C'était complètement raté, ou alors que bon, faut quand même y aller fort, je pense, pour dire que c'est raté. Ouais. Ne serait-ce que visuellement, c'est quand même une sacrée proposition. Mm-hmm. Ouais, c'est clair. Donc le producteur John Lando qui a expliqué que donc cette nouvelle génération va jouer un rôle très important, pas seulement dans ce film, mais dans tous les autres films, bah donc, oui. Jusqu'à Avatar 5, il me semble. Oui, moi je pense voilà. Jake et Thierry, bon, ils seront toujours là, au moins dans le deuxième, je pense, mais à mon avis, ce n'est pas les personnages qu'on va retrouver jusqu'au. Parce qu'il y a 5 opus, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Hein. Ils ont prévu 4 suites, donc voilà. C'est jusqu'à 5e. Quoi. À mon avis, oui, il y aura une nouvelle génération qui va prendre la relève. J'espère qu'ils vont mieux le gérer que Star Wars 7, quoi. C'est vrai qu'à part 2 ou 3. Oscar Isaac, pour moi, c'était pas une nouvelle tête hein, dans Star Wars. On le voit pas beaucoup, c'est pour ça. Non, mais bon, ouais. C'était quand même un acteur qui avait déjà une carrière. Alors que Daisy Ridley et John Boyega, bon, c'était autre chose, mais. Après, Daisy Ridley et John Boyega, c'est pas non plus les acteurs du siècle. Moi, je les aime. J'aime bien Daisy Ridley. J'aime pas trop John Boyega. Je trouve pas trop... D'accord. Pas hyper crédible, mais en espérant que James Cameron amorce mieux son virage là-dessus. Ouais, bah oui, ouais. Alors moi, j'attends d'en voir plus. Hein, voilà, pour c'est ça. 2. En même temps, on peut pas se prononcer non plus. Allez voir les images si ça vous intéresse. On va passer à la suite. Une news concernant Martin Scorsese et Leonardo DiCaprio qui devraient se retrouver, qui vont se retrouver. C'est sûr même. Oui, c'est sûr à 100%. Puisque le projet est en cours depuis 2005, donc ce serait peut-être le temps de le faire. Pour un biopic sur Theodore Roosevelt, président américain qui a reçu le prix Nobel de la paix pour sa médiation dans le conflit russo-japonais, avec un Martin Scorsese qui est derrière la caméra, bien sûr, Leonardo DiCaprio qui produit aussi le film avec Martin Scorsese, mais qui va interpréter Roosevelt. On n'a pas plus d'informations sur le film. On sait juste qu'il va s'intituler tout simplement Roosevelt et que Scorsese a déjà un autre projet en cours qui s'appelle Killers of the Flower Moon qui devrait tourner avant celui-ci. Celui-ci là, Killers of the Flower Moon, ça devrait parler de J. Edgar Hoover, hein. C'est bizarre. Celui-ci par contre, ce sera avec Robert De Niro. Donc voilà. Pas mal de projets pour Scorsese. C'est bien, ça veut dire qu'il a pas envie de prendre sa retraite. Bah oui, c'est très bien. Tant qu'il a envie de nous régaler, faut juste qu'il ait le temps de tout faire. C'est parce ça, que quoi. Il y a énormément de films en projet là. Voilà. Il retrouve Leonardo DiCaprio et Martin Scorsese se retrouvent pour leur 6e collaboration, puisqu'ils avaient déjà collaboré ensemble pour Gangs of New York, Aviator, Les Infiltrés, Shutter Island et Le Loup de Wall Street, le dernier. Que des bonnes nouvelles, j'ai envie de dire. Oui. C'est un duo qui fonctionne bien. Ouais, je ne suis pas forcément fan de tous les films de Scorsese avec DiCaprio. Mm-hmm. Ils ne font clairement pas partie des Scorsese que je préfère, mais après, ils sont pas mauvais. Le Loup de Wall Street, je ne suis pas hyper fan, mais je pour moi, le meilleur, c'est Les Infiltrés dans tout cela. C'est ce que je dirais aussi. Gangs of New York, j'avais bien aimé aussi, mais après, c'est vrai que Shutter Island, je n'aime pas du tout. Ouais, ça fait très longtemps que j'ai pu pas depuis la sortie, je crois, et ça m'avait pas très ça m'avait pas beaucoup marqué en tout cas. C'est assez prévisible quoi, malheureusement. Du coup là oui, c'est intéressant parce que DiCaprio, après le film était pas super, mais il était pas mal dans l'exercice du biopic déjà avec J. Edgar. Le film n'était pas sans sas quoi. C'était pas c'était clairement ronflant. C'était très ronflant, je trouve. Ah oui, par contre, fallait s'approcher. mais je trouve que lui l'incarnait bien quoi. Oui, ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Donc du coup, mais c'était plus Clint Eastwood derrière, je crois, qui faisait sa sieste. si tu aimes le jazz. Et Martin Scorsese dans ce registre-là du biopic, pourquoi pas. Ouais. Il semble pas qu'il en ait beaucoup fait. Non, à part Jésus. Ouais, c'est mais ça. Ça pourrait peut-être la pas dernière trop un tentation biopic. du Mais... Christ. Ouais. Bah, si, le Loup de Wall Street, c'est un biopic aussi. Ouais, si, c'est un biopic, c'est vrai. C'est un biopic, je crois que la bah, vache des Raging Bull, pantins. C'est un... Ouais, bah si, si, en fait, il en a fait. Ouais. Raging Bull, c'est un biopic. Donc, voilà. Raging Bull était excellent. Ouais, bah, c'est l'un de ses meilleurs films, je pense. Ouais, ouais. Donc, voilà, mais moi je me méfierais quand même parce que les grands réalisateurs comme ça qui s'attaquent à des hommes politiques, on l'a vu avec Steven Spielberg, avec Lincoln, on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise, j'ai envie de dire. Lincoln, c'est clairement pas un mauvais film, ah non, mais c'est clairement pas le biopic qui a tout changé, quoi. Enfin, vraiment, ah non, non, c'est, non, non, non. Bah, Lincoln, il va surtout pour la réalisation qui c'est plutôt ça. Belle, et puis bah, ouais. le jeu d'acteur quand même. Daniel Day-Lewis. Ouais, Day-Lewis. Ouais. Bon, en même temps, Day-Lewis, est-ce qu'il a fait un mauvais film? Est-ce qu'il a déjà été mauvais dans un film? Mais il a fait Gangs of New York, non? Oui. Il était pas dans Gangs of New York? Bah, il était pas mauvais. Oui, non, dans non Gangs il of est New pas, York, il hein. est pas mauvais, non, j'ai jamais dit ça. Mais bon. Non, non. Voilà, ouais, on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise, mais en tout cas, pourquoi pas le personnage de Roosevelt, je crois pas qu'il y ait... Ce qui est intéressant, ça va être l'époque aussi. Ouais, ouais, ouais, ouais, ça peut être vraiment intéressant. Parce qu'attends, je confonds toujours les deux. Il y a eu deux Roosevelt, hein. Il y a eu Théodore, il y a eu Franklin. Ouais. Et alors, c'est lequel qui est plus dans la guerre de sécession? Enfin, ou après je sais plus. C'est Franklin Roosevelt qui est dans la guerre de sécession. Ouais, donc Theodore Roosevelt, c'est plus récent. Theodore Roosevelt, c'est 1904... attends, il était président... 1900... Alors, attends... Fou. Oui, c'est ça. 1901 à 1909, il était président. Ouais, voilà. C'est ça. Donc, voilà. donc, c'est plus début du XXe siècle. Mm. Donc voilà, franchement, la période est assez intéressante. Oui, oui, oui. Ah bah oui, parce que avant que... la Première Guerre mondiale. Ben voilà. Donc. C'est un peu la période oubliée, je trouve. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Entre. T'es soit en 1800 ouais. et, ou à partir de 1900, ouais, 1914, 15, ouais, dans ces trucs-là. Ouais. Mais c'est vrai que ouais, t'as 15 années là qu'on voit, on voit rarement, je trouve. On voit peu de films, c'est vrai. C'est ouais. Vrai. Donc, et alors que c'est intéressant parce que c'est quand même toute l'ère industrielle aussi et Ouais, ouais. Et bah là bah Martin Scorsese derrière la caméra ça peut annoncer de très belles choses, mais il faudrait encore qu'il finisse là The Irishman. Ah oui. Moi je suis plus impatient de voir ça hein, quand même. Oh, ouais c'est vrai là, c'est la réunion de tous ces acteurs là, ça... ouais, surtout Joe Pesci qui revient quoi. Ah oui. Killers of the Flower Moon et après Roosevelt, donc voilà, ça fait trois films de Scorsese. Et après, attend. Je pense que ça se tassera aussi, hein, parce que ouais. bon, Martin Scorsese commence à. Il ne se fait pas plus jeune que. Enfin voilà, quoi, il commence à. Ouais. Mais bon. ce qui est impressionnant, c'est que ses derniers films gardent quand même une certaine pêche et. Bah, le Loup de Wall Street, c'était survolté, quoi. Alors, ouais, j'ai pas. Enfin, moi personnellement, j'ai pas encore vu Silence. Toi non moi plus, non je plus, crois. Silence, je l'ai pas encore vu. Ouais. Donc voilà. Ça a l'air beaucoup plus posé, hein, bien sûr. Oui, ça a l'air beaucoup plus posé. Mais en tout cas, le Loup de Wall Street, de ce que j'en ai vu, ça a l'air d'être assez survolté. Tu l'as pas vu? Non, je l'ai pas vu justement. Je il l'ai est pas bien. Encore, enfin, il est. C'est pas. Bref, c'est pas. C'est moi, c'est pas forcément le sujet oui, qui m'attire. Mais c'est... oui, c'est le Loup de Wall Street, c'est 3 heures, mais 3 heures à fond, quoi. Ouais, ouais, mais j'imagine, hein, c'est toujours comme ça. Enfin, souvent chez Scorsese, c'est que tu vois pas l'heure passer. Hein. Enfin, surtout dans les films où il y a des gangsters ou tout ça, c'est vraiment. Ouais, les Affranchis, Casino et tout, c'est des films ouais, qui sont longs. Ouais, ouais, les Affranchis, ça passe à une vitesse folle, quoi. Voilà. On va passer à la suite avec un spin-off de Men in Black qui est en cours de production. Et ils ont donc les. Alors, c'est qui produit ça? Je sais même pas qui c'est qui produit. Ça doit être Sony, non? Men in Black. Men in Black, c'est Sony, ouais. Je crois. Ouais, ouais. Et donc, Sony a engagé les scénaristes Matt Holloway et Art Markum, qui sont connus pour avoir signé Iron Man et récemment Transformers 5. Waouh! voilà. Ça donne envie, hein! Les deux hommes vont proposer un film centré autour de nouveaux personnages pour sans les extraterrestres hostiles. Sony, voilà. Humblin et Columbia. Alors, c'est Columbia, ça. C'est. Columbia, ça appartient à Sony. Ça voilà. appartient à Sony, ouais. Ouais. Et donc, selon le site Deadline, l'ambition des deux auteurs, c'est de développer un film qui suive le modèle suivi par Jurassic Park vis-à-vis de Jurassic World. Non, Jurassic World vis-à-vis de Jurassic Park, pardon. Un film qui fasse à la fois des liens avec la saga existante, mais qu'un nouveau public peut prendre en marche. D'accord. Et Will Smith et Tommy Lee Jones ne reviendront a priori pas. Okay. Bon, alors voilà. Après, c'est... Oui. Parce que bon, dans Jurassic World 2, il y a quand même Jack Goldblum qui revient. Ouais, ouais. Mais a priori, j'ai entendu dire qu'il n'aurait pas non plus le rôle principal, hein. Enfin, oui, il n'aurait pas un des rôles principaux, mais il sera là. Et, il sera là, ouais. Ouais, ouais. Moi, je pense qu'il va, on va le voir en conférence de presse, critiquer le... Ouais, enfin, oui, s'opposer au dino, quoi. Enfin, je vois plus un truc comme ça, mais ça va être assez léger. Hein. Ouais, ouais. pour revenir à Men in Black, du coup, voilà, ce qu'on en sait pour l'instant. On sait aussi qu'il y avait normalement, enfin, c'était prévu qu'il devait y avoir un crossover avec 21 Jump Street, mais apparemment, c'est annulé. Enfin, Men in Black et 21 Jump Street ? Ouais, c'était prévu, on en avait parlé il y a très longtemps. Et pourquoi il y aura un lien, du coup ? Non, apparemment non, mais ils voulaient faire un crossover avec cette saga. C'est quoi ces idées bizarres qu'ils ont là ? Non, mais c'est Sony, hein, faut pas chercher. Mmh. Mais voilà, donc ça, apparemment ils ont oublié, mais ils veulent se concentrer sur un spin-off, sachant que Men in Black 3 était sorti il y a déjà quelques années. Alors attends, le 3 2012, ouais. 2012, voilà. Ouais, c'est ça. Voilà, et c'était pas non plus ouf. Moi j'aime pas vraiment les Men in Black, donc moi personnellement il y a juste le 1 que j'aime bien parce que c'est plus un truc c'est assez barré, je l'ai beaucoup vu quand j'étais enfant, mais après le 2 et le 3 clairement je trouve qu'ils sont mauvais, hein, vraiment. Donc est-ce que toi ça t'intéresserait ou pas du tout moi ça, j'aime c'est... pas J'ai pourtant le premier, j'ai dû le voir 2-3 fois, mais non, j'accroche pas. Enfin, c'est pas un univers qui me parle, et je trouve ça assez dégueulasse en fait. Ouais. Alors que c'est pas gore ou quoi que ce soit, mais je sais pas. Ah oui, avec les trucs gluants et tout. Ouais, ça. Ouais, je sais pas. Ça m'a jamais botté. Et puis bon, il y a Will Smith. Et moi, c'est vrai que Will Smith, c'était la bonne période Will Smith quand il faisait encore Men in Black, ouais. Le premier. Oui, il n'était pas encore totalement, parti en vrille, quoi. Je trouve. En tout cas pour le premier, parce qu'après, il n'avait pas fait After Earth ou des trucs comme ça, quoi. Bah, déjà dans le premier, moi, il me saoulait, donc. D'accord. D'accord. Donc ça t'intéresse pas. Ah non, pas du tout. Et moi. Franchement, qui veut encore voir un film Men in Black en 2017, ça, en fait. Voilà, franchement, c'est un truc tellement qui est basé fin années 90, début 2000. À la limite, qu'ils nous le déclineraient peut-être en série, je sais, à la limite, quoi. Mais... Ils ont déjà fait une série animée. Bah oui, ouais. Mais voilà, donc bon, Steven Spielberg sera toujours producteur délégué sur le projet. Il a été producteur délégué sur tous les films, mais bon, après, la patte qui met dedans, on c'est très énormément voilà, l'implication de Spielberg. Je pense qu'il met plus l'argent et qu'il récolte après plutôt que regarder quelque chose au niveau artistique dans les films. Ouais. Donc voilà, c'était pour vous annoncer ça et on va passer à la suite. Donc on va passer au Dark Universe qui a vraiment du mal à décoller. D'ailleurs, t'en parlais dans ta critique de la momie qui est sortie récemment sur Movies Nerd. Bah, hier, publié. Allez la lire. Oui. Mais tu parlais justement que le Dark Universe avait vraiment du mal à décoller et là on a une news qui prouve encore que c'est le cas parce que le remake de La fiancée de Frankenstein se retrouve repoussé puisque le projet a apparemment besoin d'une réécriture de son scénario. Le projet se met carrément en pause pour l'instant le temps que David Koepp qui va se charger de refaire le scénario. Donc David Koepp, on en avait parlé récemment aussi, c'est celui qui a fait Spider-Man 2, des Jurassic Park, il me semble, le 1 ou le 2. Enfin, il a fait des bons films. La momie, c'est lui qui l'a écrit, celui du remake. Aussi. Il a fait aussi Charlie Mortokai, qui est clairement un mauvais film. C'est clair. Mais voilà, il a fait des bons films et des mauvais films, on en a déjà parlé. Donc, mais il y a déjà plusieurs personnes qui se sont attaquées à ce scénario. Puisque il y a quatre autres personnes qui ont déjà réécrit comme sur la momie. Ouais, dont Alex Kurtzman qui était sur La Momie, oui. Et Chris Morgan qui est un des écrivains sur Fast and Furious, un des scénaristes, parce que écrivain c'est un peu... Bah c'est les scénaristes Universal quoi. Ouais ouais c'est ça, qui ont déjà réécrit des scénarios ou amendé les versions existantes. Et le film était en pré-production à Londres, mais donc elle se trouve interrompue. Au niveau du casting, la date de sortie était visée pour 13 février 2019, donc ça c'est plus le cas. Et au niveau du casting, Javier Bardem devrait interpréter la créature de Frankenstein et Angelina Jolie, la fiancée. Mais les contrats sont pas... enfin, sont pas finalisés tant que le scénario n'est pas terminé, ce qui me paraît assez juste puisque tu vas pas signer pour un film, t'as même pas lu le scénario. C'est clair. Voilà. Mais donc voilà, encore des problèmes pour ce Dark Universe. Rappelons que La Momie était sortie récemment et qu'elle avait pas rapporté. Alors, justement, le film a fonctionné au box-office. Mais ils voulaient plus quoi. Et, il voulait plus, bah, il s'est remboursé hein, le film, il n'y a pas de souci, ouais. Mais en fait il voulait plus, mais c'est surtout qu'il s'est fait assassiner par la critique quoi. Bah ouais, ouais. Et là je pense qu'ils se sont dit on ne peut pas non plus se permettre que... Enfin on peut pas commencer un univers, parce que là ça fait quand même deux films avec La Momie où ça prend pas, parce que Dracula Untold était censé lancer le Dark Universe et en fait le film n'a pas convaincu, alors que c'était pas parfait, mais c'était pas non plus hyper honteux hein. Je trouve que pour un truc sur Dracula plus axé blockbuster, c'était même intéressant. Surtout que Luke Evans, c'était pas mal dans le rôle. Mais ça n'a pas pris. Et personnellement, j'aurais trouvé ça plus convaincant, limite, que La Momie pour lancer un univers. Un Dark, ouais, c'est clair. Ouais. Bon, après, La Momie, ça vaut ce que ça vaut. C'est un film qui serait sorti dans les années 90, je pense que c'est ouais, c'est clair, cool. C'est clair. Et là... Non, mais le film, il sent les années 90. C'est ça. Enfin, voilà, ouais. À 10 000 lieues, quoi. C'est vraiment... même dans les bonnes annonces, tu le sentais. Moi, j'ai pas vu le film, hein, mais vraiment... Mais le film, il sent les années 90. Ouais, clairement. Après, c'est pour ça, je pense que j'ai plutôt bien aimé. Ouais. Ce sera pas dans mon flop, pour la nostalgie, voilà. Et je trouve que ça fonctionne assez bien. Tout est assez bien amené, mais tout est assez convenu, quoi. Il n'y a pas énormément d'ambition, et je trouve que pour un film qui ouvre un univers étendu, c'est quand même assez léger. Par contre, il y a vraiment un truc que je retiens, c'est Prodigium, en fait. C'est la compagnie qui du coup est chargée de surveiller les monstres et tout ça. Et ce qui va faire le lien, en fait, avec ce qui fait le lien avec tous les monstres, a priori. Là, je trouve que ça, c'est le plus intéressant, en fait. Ouais, tu disais dans ta critique que c'était... Enfin, tu disais non, pas les Ghostbusters, une sorte de FBI qui surveillerait les phénomènes paranormaux. C'est un peu ça. Je me suis demandé pourquoi t'as pas cité X-Files. Oui, c'était une critique. C'est vrai. Mais c'est pas non plus X-Files. Ouais, c'est pas non plus vraiment les X-Files. Non, parce que je me suis dit, un FBI qui vérifie les phénomènes paranormaux, ça me rappelle quelque chose. J'ai pas vu la série. Bah, ce sera pas une histoire de fantômes, c'est vraiment les créatures, quoi. Ouais. Mais j'ai pas vu la série Grimm, mais a priori ça ressemble. Enfin, moi j'ai pas vu non plus. Ça sera assez proche de l'idée, je pense. D'accord, ok. Ouais. Donc La Fiancée de Frankenstein. Moi j'ai pas vu le film original. C'est un des derniers films Universal. J'ai le coffret Blu-ray Universal Monster que j'avais acheté il y a assez longtemps. Sympa, ça, ouais. Et il est vraiment sympa. Les masters sont magnifique, vraiment. Ouais. C'est pour les films qui sont sortis, par exemple Dracula de 1931, il est splendide. Le Frankenstein, qui est clairement mon film préféré de tous. Franchement, Frankenstein, je l'adore. Et qui est magnifique aussi. J'ai pas vu La Fiancée de Frankenstein, c'est un des derniers que j'ai pas encore vu. Il est présent dans le coffret, donc je le regarderai un jour. Mais apparemment, il est encore... De ce que j'ai entendu parler, il est encore mieux que le Frankenstein original. Donc... D'accord. Voilà, moi je suis enfin voilà, quand je pourrai le voir, je le regarderai, mais voilà, La Fiancée de Frankenstein, ce remake là, pour moi il y a deux bonnes nouvelles. C'est si le casting est correct, ah oui. Javier Bardem en Frankenstein, oui, Clairement. Ah oui, oui, oui. Ouais. Et Angelina Jolie en fiancée. Mais je trouve que leur casting pour les monstres est pas mauvais. Hein. Ils ont choisi qui pour la. Enfin, il y a quelqu'un qui joue la momie dans. Bah, dans du coup, c'est Sofia Boutella qui joue la momie. C'est Sofia Boutella, ouais. Et ça lui convient très bien, je trouve. Mm-hmm. Elle est bien. Non, ça lui va très bien. Après, c'est avec Javier Bardem, Angelina Jolie, bien sûr. Mais même Russell Crowe en Dr. Jekyll et Mr. Hyde, ça rend plutôt bien, parce que du coup, on le voit un petit peu dans La Momie. D'accord. Ouais. Ça rend plutôt bien. Après, Johnny Depp, qui joue l'homme invisible. Bon, en même temps, j'ai envie de te dire, il est invisible, l'homme invisible, tu peux mettre un peu n'importe qui. Voilà, c'est comme Scarlett Johansson pour Her. Ouais, c'est. Bah non, mais bon, ça va être une fois. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et du coup, je sais plus qui fait le loup-garou. Ouf, alors ça. Bah, Benicio del Toro était bien hein, dans le film de Dwayne Johnston, mais. Oui, ouais. Mais je vois pas qui. En tout cas, au niveau du casting, Universal, ils savent, je trouve, choisir. C'est pas leur problème. Ils choisissent bien le casting des monstres. Le souci, c'est pas le casting chez eux, je pense. Non. C'est clairement, il y a peut-être un. il y a peut-être un petit manque d'écriture parfois. Ouais. Moi, dans ce nouvel univers, du coup, puisque le Frankenstein là, qui était sorti avec Harry Potter, celui avant avec Aaron Eckhart. Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, ces films sont pas du tout rattachés. Non, ils font pas partie. Enfin, c'est un bordel sans nom, ce Dark Universe. Mais le Dark Universe, c'est la momie pour l'instant. Ouais, point barre. Ouais, c'est ça. C'est ça. Finalement, ils devraient peut-être mettre Dark Universe dans le titre pour qu'on sache quels films sont rattachés à quel univers. Alors, à l'univers, en fait, parce que c'est sinon, pas dans le titre, mais c'est le logo. Ouais. En fait, t'as le logo Universal qui, du coup, change. Après, d'accord. Il y a le logo et après ça change et il y a du coup en fait sur l'autre face du globe d'Universal, t'as le Dark Universe qui apparaît. Ok, d'accord. Okay. Et c'est assez cool, bon c'est pas spécialement joli mais c'est plutôt cool. Et tu vois rien que ça, je dis ouais c'est sympa et tout. Ça permet au moins de les repérer dans la masse. Ouais, puis ça peut, ça, mais tu vois moi ça me, je dis ça c'est sympa, c'est, c'est finalement c'est la première franchise d'univers étendu qui nous présente vraiment. Comme une marque quoi, enfin une sorte de ouais c'est vrai, c'est sympa, c'est vrai, mais l'idée du Dark Universe finalement me plaît bien. Maintenant faut que les films suivent quoi, et bon s'ils sont tous du même acabit que La Momie ça va être chiant clairement. Parce que La Momie voilà à part mais j'ai l'impression qu'ils se donnent pas à fond dans les efforts en fait, j'ai l'impression qu'ils font un max de pub pour les films. Au niveau promo c'est assez assourdissant, mais après au niveau du film lui-même, j'ai pas l'impression qu'ils se donnent à fond. T'as pas l'impression qu'ils en veulent vraiment, voilà. On va faire des films dans les clous. C'est ça, ouais. Et on verra. C'est clairement dommage. C'est clairement dommage. Mais bon, c'est vrai que la fiancée de Frankenstein qui est repoussée, du coup, peut-être que ça augure justement une prise de conscience, quoi. J'espère que ce serait bien pour eux. Bien réécrit pour la quatrième fois, que cette fois-ci ce sera bon et que ils ont. A priori, ils en plus, ce serait réalisé par Bill Condon. Ouais, donc ça. Celui ça qui peut a être, fait La Belle et la Bête. Ouais. Donc et ça peut être vraiment. ça peut être assez intéressant, je trouve. Bon, c'est pas un réalisateur qui a un univers bien particulier ou une patte. Non. À lui. Non, mais. Mais c'est pas non plus. Après, il a pu montrer qu'il savait quand même réaliser un film. La Belle et la Bête est plutôt... avec un certain budget, quoi. La Belle et la Bête est plutôt bien réalisée. Oui. La mise en avant des décors est assez belle, je trouve. Donc, à voir, quoi. Ouais, maintenant, faut voir comment leur univers se développe, mais c'est vrai que. Finalement, ils arrivent à faire pire que DC Comics, quoi. ce qui était quand même pas gagné, c'est un défi ça, franchement c'est, et ils y arrivent quand même, c'est fou. On espère que pour eux ça se passera mieux parce que ils ont quand même un univers vraiment intéressant, ils ont un lore, une histoire super intéressante. C'est vrai qu'ils ont tout le bestiaire des monstres quoi. Voilà, c'est quand même pas rien, et c'est déjà, enfin c'est pas rien, et c'est aussi toute une parce que les monstres en plus c'est indémodable. Oui, je trouve. C'est vrai, oui, tout oui, le monde, c'est sûr, mais c'est pas une légende, c'est bon, legacy, j'arrive pas à trouver le mot. Un héritage. Voilà, un héritage, merci. c'est tout un héritage qu'ils ont derrière eux, c'est pas juste quelques petits monstres, tu vois, c'est des films qui ont fait l'histoire du cinéma et surtout l'histoire du cinéma d'horreur et d'épouvante. Et fantastique aussi. Donc c'est une grosse tâche et j'ai pas l'impression qu'ils y mettent tout leur cœur, voilà, derrière Universal. Ça. Et ça pourrait être intéressant que la Hammer fasse la même chose. Ah mais... ouais, c'est clair. Là, je pense qu'ils iraient plus, plus à fond. Ouais. Parce que les films de la Hammer étaient plus sombres déjà que l'Universal Monster. Ah oui, ils étaient beaucoup plus sombres. C'était plus dans les années 50-60. Donc voilà, ils pouvaient plus se permettre de choses que dans les années 30-40. Et parce que c'est ça, c'est qu'Universal Monsters, ça s'étend sur une très longue période en fait. Ouais. Donc voilà, on espère pour le mieux. mais en tout cas on risque pas d'avoir avant longtemps ce film puisque déjà 2019 c'était la date de sortie qui était visée et si en plus ils le mettent après en pause je comprends pas vraiment pourquoi La fiancée de Frankenstein après La momie. C'est vrai parce que du coup c'est vrai que refaire un Dracula, bon alors Dracula Untold c'est quand même pas si vieux, c'est 2013. Et c'est vrai que ce serait peut-être trop tôt de le refaire maintenant. Mais je pense qu'il devrait peut-être faire le loup-garou. Voilà. Parce que les films de loup-garou, il n'y en a pas. Il n'y en a plus, quoi. Il n'y en a plus. Et du coup, c'est vrai que. Ou alors, moi, j'aurais fait Frankenstein. Mais bon, c'est pareil, il y en a eu il n'y a pas longtemps. Le souci, moi, je pense que c'est ce qui a été. Je pense qu'ils ont fait une réunion pour se dire quel film on va faire le prochain. Et ils se sont dit, bon, on a déjà sorti deux. Il y a deux Frankenstein qui sont sortis récemment. On va pas faire. Parce que même du coup, le public va être confus complètement. Bah, rien que là, la fiancée de Frankenstein, il y a plein de gens qui vont se dire ah, du coup, alors on va revoir Daniel Radcliffe ou. Ouais, c'est ça. Donc bon, non, mais je sais pas, moi je serais parti sur complètement autre chose, tu vois, la créature du lac noir ou le fantôme de l'opéra. À la limite, quoi. Partir vraiment sur génial. Autre chose. Ouais. Mais en même temps, c'est peut-être des monstres qui sont moins fédérateurs aussi. Ça doit pas être évident quand même à réfléchir. Hein. Je pense qu'ils sont sur des gros dilemmes en fait de production. C'est vrai. Et surtout que comme ça, enfin ça leur rapporte pas ce qu'ils espèrent. Du coup ils se disent pourquoi on devrait mettre autant d'efforts alors qu'on se fait. Et puis peut-être qu'ils en arrivent à se dire est-ce que finalement c'était une si bonne idée. Ça valait le coup quoi. Ouais. Bref voilà, on verra ce que ça donnera. De toute façon on en reparlera quand on aura plus d'informations. Mmh. Passons à la suite. Une bonne annonce qui me met en joie personnellement. Oui. Donc la nouvelle bonne annonce, la première bonne annonce du prochain film de Woody Allen, Wonder Wheel, avec au casting un casting toujours assez exceptionnel. Justin Timberlake, Kate Winslet, James Belushi, Juno Temple, pour n'en citer quelques-uns. Ça a l'air d'être assez différent de l'univers habituel de Woody Allen. Oui, la bande annonce est surprenante. Hein. C'est surprenant et ça donne vraiment très envie. En même temps, on retrouve un peu tout ce qui fait le charme des films de Woody Allen. C'est une ambiance un peu rétro, un triangle amoureux, un casting énorme. Coney Island déjà, avec la grande roue, tout ça. Ouais, mais quand même, ça se passe pas à New York, tu vois. Ça se passe pas dans une ville. Coney Island, c'est assez proche de New York. Oui, c'est vrai, mais là, ça se passe dans un parc d'attractions, quoi. Ouais. Enfin, une sorte de parc d'attractions. C'est une fête foraine. Une fête foraine, voilà. Et ça change d'univers, ça permet de respirer, c'est près de la plage, c'est assez intéressant. Et surtout, ça prend une certaine allure de film noir. Puisque c'est il y a une genre de chasse à l'homme. Je pense que ça peut être surprenant. Hein. Ça peut vraiment surprendre. Ça se passe dans les années 50 aussi, voilà. Bon, et c'est sorti. La sortie est prévue le 31 janvier 2018 en France. Voilà, il a quand même 81 ans, Woody Allen. Hein, c'est pas. c'est clair. On disait Martin Scorsese, mais. Voilà, c'est ça. Mais il enchaîne toujours les un film par an, quoi. Sauf qu'en 2017, il a pas tourné de film, mais il a fait la série pour Amazon que j'ai pas regardé, mais qui apparemment. Alors, c'était pas... quoi Je me souviens plus du nom. Je me souviens plus du nom de la série qu'il a fait. C'est pas Gods and Monsters là, c'est. Non. J'oublie j'oublie le nom, mais bref, voilà, il avait fait une série pour Amazon Studios qui a apparemment pas trop bien marché, mais et qui n'était pas terrible. J'en ai même pas entendu parler. Mais, en fait. Voilà, donc mais c'est pour ça qu'il a pas Crisis fait de film en 2010. Crisis in Six Scenes. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est pour ça qu'il n'y a pas fait de film en 2017, enfin qu'il n'y a pas de film qui sorte de lui en 2017. Est-ce que le dernier c'était Café Society ? En 2016, ouais. voilà. Et là, même en ce moment, alors que ce film il sortira début 2018, il est déjà en train de tourner son prochain film dans les rues de New York. Donc voilà. Donc il s'arrête. Je pense qu'il s'arrêtera quand il sera mort. Vraiment, parce ouais. que je pense qu'il peut pas s'arrêter de sa de deadline tourner des à films. Lui, c'est ça en fait. Mais je pense que c'est clairement ça. Mais ça se sent, enfin, de toute façon, dans ses films, il y a toujours le thème de la peur de la mort et tout ouais. ça, c'est ouais. très présent. Et je pense que de plus en plus il en parle, et c'est clairement pour occuper son temps, pour pas penser justement à ça, quoi. Et en même temps, si ça peut nous donner des super bons films, on va pas cracher dessus. C'est hein. sûr. Voilà. Café Society était déjà très réussi, je trouve. Ouais, ouais, ouais. Mais pour moi, là, il y a depuis Magic in the Moonlight. Ouais, et que j'ai toujours pas vu, il faut que je le voie absolument. Il est sorti sur Netflix récemment, d'ailleurs, je crois. Ah bon ? Et oui. Je crois que je l'ai vu là récemment. Mais, super, je crois que je l'ai vu. Il est vraiment. Celui-là, il est vraiment génial. Et depuis, il a fait que des bons films, quoi. Il y a aucun mauvais film qu'il a fait. Donc, voilà, c'est le nouvel Parce que L'Homme Irrationnel, je ne l'ai pas vu, mais... Ouais, après, super. Blue Jasmine, il y en a beaucoup qui ont aimé, moi, je n'avais pas spécialement aimé. C'est un des seuls que je n'ai pas encore vu, enfin, des dernières années, parce que, bon... je commence à... En fait, je fais comme Disney avec Woody Allen. je regarde tous les films de Woody Allen, mais je suis à une... 20, je crois que j'ai vu 25 films de Woody Allen, il doit être à 50-51 films tournés. 52. Je suis à la moitié à peu près. Donc voilà, je continue tout doucement. Mais voilà, donc moi je suis toujours aussi content. Et cette bande-annonce aussi, ce qui m'a frappé, c'est la photographie qui est magnifique. Ouais. L'affiche est très jolie aussi. L'affiche est splendide. Et aussi, moi j'aime bien le titre. Ouais, c'est vrai. Mais je pense pas qu'ils vont je sais pas si ils vont le traduire en français. Oh bah, merveilleuse roue, merci. Ouais, arrête. Bon, ils l'ont fait pour L'Homme Irrationnel, ils l'ont pas fait pour Magic in the Moonlight, donc voilà. Bon, c'est un Irrational peu... Man et L'Homme Irrationnel, ça va. Ouais, ça va. C'est pas non clair, plus. Mais, oui. Ouais, mais voilà, donc. Pourquoi pas, on verra. Mais tu sais, ce mais tu faire. Sais, mais hier soir, bon, Café je reviens à hier soir, parce que du coup, quand tu vas dans des concerts harmoniques comme ça, t'as toujours quelqu'un qui présente ce qui va être joué. Ouais. Et il avait vraiment des. Et le mec, quand tu sentais qu'il parlait pas du tout anglais. Ah, parce que, ah oui. Ah ben j'ai eu droit à Luke Skywalker. Voilà. Et Tom Cruise. Oh là là. Donc bon. voilà. Donc, en fait, mais du coup, tu relatives, oui. tu dis, ouais, en fait, ils ont peut-être raison quand même de traduire certains titres. Parce que... mais je pense que ceux qui travaillent aux caisses de cinéma doivent en entendre parfois. Ouais, mais ouais, ça doit être assez marrant. Parce que tu sais, en plus, c'est ça. Souvent, c'est que les gens qui parlent pas anglais, ils essayent quand même de mettre l'accent. Alors, c'est. Ouais. Je suppose que ça se dit comme ça. Ouais. Mais Blue Jasmine, ah non, c'est pas ça. Mais Café Society, t'auras eu des Café Society à Thierry Larry, ouais, je pense. Ouais, je suis sûr. Mais bon, après... Je pense qu'après, ils y font même plus attention. Non, c'est sûr. Donc voilà, toi, est-ce que le film t'intéresse, j'imagine? Ah oui. Quand même. Ne serait-ce que pour voir Kate Winslet dans un film de Woody Allen. C'est vrai. Je crois pas qu'elle ait joué... Qu'elle ait joué pour lui. En même temps, il en a fait tellement, mais non, il me semble pas. Hein, j'ai pas le souvenir de ça. Puis je vais pas les vérifier, mais non, parce que sinon, on a ça pas prendra fini. Trop de temps. Mais non, il me semble pas. Donc Justin Timberlake, il me semble pas non plus qu'il ait tourné avec lui. Non, je crois que c'est sa première fois. Juno Temple aussi. Ouais. Donc un casting qui se renouvelle aussi toujours. Hein. Tout le temps. Il reste pas avec les nouvelles. Et malgré les polémiques et tout, parce que bon, Woody Allen. Oui, c'est clair que voilà, on parle du côté cinéma de Woody Allen, on parle pas de sa vie privée parce que sinon c'est un peu plus compliqué. Ouais. Mais c'est clair que il arrive toujours à ramener des grosses têtes d'affiche et il arrive à changer son casting assez souvent, donc ça c'est plutôt bien. Et puis il y a toujours l'humour de Woody Allen qui fonctionne toujours à la perfection, donc voilà. Allez voir cette bande-annonce, elle est vraiment cool. On passe à la suite avec Pacific Rim Uprising. Oh, donc 5 ans après le film de Guillermo del Toro, on se retrouve avec ce film qui est réalisé par Steven S. DeKnight et qui était showrunner de la série Netflix Daredevil et de Spartacus, voilà. Guillermo del Toro officie en tant que producteur. Donc on a eu droit à cette nouvelle bande-annonce. Devant la caméra, plus d'Idris Elba, à part sur une petite photo qu'on voit dans la bande-annonce. Et Charlie Hunnam font plus partie du casting pour l'instant. Et Scott Eastwood et John Boyega, tu disais tout le bien que tu pensais de John Boyega juste avant. Rejoignent le casting. Donc John Boyega interprétera le fils de Stacker Pentecost, donc Idris Elba, et on retrouvera au niveau du casting qui était déjà présent dans le premier, Ron Perlman, Rinko Kikuchi et Charlie Day. Le film sortira le 21 mars 2018 en France. La bande-annonce, ça envoie du lourd, clairement. Il y a plein d'actions. Ah, vous allez en prendre plein la gueule. Ouais, plein d'actions, plein la gueule. Ah ouais. Alors, le premier film, je ne l'ai pas revu depuis sa sortie, mais moi, je l'avais plutôt bien aimé, franchement. J'ai trouvé que c'était pas un énième blockbuster con. Clairement, c'est pas un Transformers, quoi. Puis il y avait une patte, il y avait un univers visuel qui était intéressant. Oui, non, c'est sûr. Ouais, ouais. Qui était à Guillermo del Toro. Là, comme ça a changé de réalisateur, on peut se poser des questions sur est-ce que il arrivera aussi à porter une patte. Alors, quand il showrun la série Netflix Daredevil. Je sais pas si c'est vraiment lui qui réalise, etc. Mais en tout cas, c'est Daredevil, est très beau à regarder dans la série Marvel. En tout cas, c'est la meilleure. Oui, apparemment, oui. Oui. J'ai pas tout vu, mais c'est clairement la meilleure. C'est très beau. Après Spartacus, j'ai pas regardé, mais enfin ça a l'air d'être assez con quand même. Ça a l'air très con, mais il me semble que visuellement c'est pas si mal que ça. Ouais, voilà. Donc pourquoi pas. En tout cas, de ce qu'on a vu de la bande-annonce, c'est pas dégueu, clairement. Non, clair, c'est pas dégueu, mais bon, au-delà à donner envie, moi c'est. C'est pas le genre de film qui te tente. Voilà. Est-ce que tu avais aimé le premier? J'avais pas détesté, j'avais pas compris tout le tapage en fait autour. J'avais trouvé ça divertissant et tout, mais je comprenais pas un peu comme Kingsman en fait. Ouais. Voilà. D'accord. Je trouve ça cool, sympa, mais bon, après de là à dire que c'est énorme, non quoi. C'était parce que ça restait quand même un Transformers en moins con. Ouais. Enfin, je trouve. Ouais. Avec plus de fond, quoi, plus malin, plus mieux écrit, plus mieux réalisé, surtout plus d'émotion aussi. Après Pacific Rim, oui, bien sûr, il y a des scènes, c'est assez génial, les fights de monstres et tout, enfin c'est clair que ça envoie. Et la musique, par contre, la musique, j'adore. Là, Ramin Djawadi était excellent. Son thème, la Pacific Rim, c'est moi, c'est le truc, tu vois, le matin, si je dois aller bosser très très tôt, ça me donne la pêche. C'est parfait. Ouais, c'est clair. Mais là, cette nouvelle bande-annonce, en fait, c'est pas vraiment un projet que j'attendais, donc la bande-annonce m'a pas non plus. Enfin, ça m'a pas étonné, ça m'a pas. Mais bon, John Boyega, je pense que je peux vraiment pas. C'est pas un acteur qui me. Je sais pas, il a toujours l'air ahuri, en fait, et ça me perturbe un peu. Ouais. Mais on verra bien, quoi. Ouais. D'accord. Tu penses que tu irais le voir ou pas du tout? Je sais pas. Ça dépend des retours. Moi peut-être pas, mais l'autre à la maison peut-être. Donc si un arrive à motiver l'autre, Ouais, c'est d'accord. Un échange de bons procédés après. Donc, ouais. C'était le cas pour Kingsman, donc bon, on va voir. Ben, moi, personnellement, la bande-annonce me donne envie. C'est pas un film que j'attends énormément. Si ça avait été réalisé par Guillermo del Toro, clairement, j'aurais été super hypé. Là, ça a l'air cool, vraiment. Le casting me dérange pas. J'aime bien Charlie Day, j'aime bien John Boyega, les nouveaux visages qu'ils amènent dans le film. Scott Eastwood, je l'ai pas encore vu jouer. Donc, si, il joue mais... dans. Attends, il joue dans quoi ça se trouve, je l'ai vu jouer, mais je m'en souviens pas. Il joue dans Suicide Squad. Ah, bah voilà, je l'ai pas, j'ai pas encore vu jouer, du coup. Mais donc, je sais même plus qui joue dans Suicide Squad. Ouais, voilà. Mais ouais, non, Scott Eastwood, il vaut. Bah, c'est pas son papa, quoi, pour le moment. Hein, Bah oui, non, mais il faut lui donner du temps. Hein. Oui. Voilà, pourquoi pas Scott Eastwood dans ce film, on verra bien. Le look du film a l'air franchement ça a l'air vraiment cool. Les kaiju sont assez impressionnants, donc les kaiju c'est les monstres en japonais, et les jaggers c'est les robots de ce film, ils s'appellent les jaggers. Ils le prononcent pas à l'allemande? Ah, je sais pas. Je me souviens. Jaegers ou je sais plus. Jaeger. Ah oui, Jaegers, pardon. Oh là là, je vais me faire assassiner par les méga fans de Pacific Rim. Et pour un Alsacien en plus. Oh non, ça va, ça va. Avec l'Allemagne à côté, faut pas te tromper. C'est vrai, c'est vrai. Bon. Donc voilà, moi ça me donne envie, pas plus que ça, mais je pense que j'irai le voir quand même parce que sur grand écran ça doit assez. Ça doit donner la patate et aussi bah, ça fait quand même plaisir de voir peut-être un film qui sera peut-être pas aussi con qu'il en a l'air, j'espère. Voilà, j'espère que Guillermo del Toro a peut-être quand même un petit peu officié qu'il a un petit peu mis de ses qualités artistiques dans le film. Voilà. Alors, par contre, le résumé sur Sens Critique donne vraiment envie. La suite du film d'action opposant les humains contre les monstres géants appelés kaiju dans des combats destructeurs de titans. Voilà. Oui, mais c'est les résumés, tu sais, Sens Critique / Wikipédia, hein, c'est toujours, ça donne très envie, c'est toujours, ça. Mais voilà. Passons à la suite. Alors, une news pour laquelle j'avais vraiment envie d'avoir Morgan présent, mais bon, malheureusement, il n'a pas pu être là. Mais voilà, donc on va parler du reboot. Pour une fois qu'un reboot donne envie. Un reboot de Spawn. Voilà, Spawn, un film qui nous a marqué tous les deux, hein, Eddie, je crois. Mon Dieu. Et pas du bon côté du pas pour ses bons côtés. Voilà, c'était un film que Morgan nous avait imposé durant la recommandation pas très recommandable, ancienne rubrique du podcast Movies Nerd où chacun recommandait un film qu'il n'aimait pas du tout aux deux autres, voilà. Ça donnait souvent des très bons. Non, mais je crois que Morgan aimait bien. Hein. Oui, mais justement, hein, après, il a dit je le conseille parce que tout le monde dit qu'il déteste. Donc, oui. tout le monde dit que c'est de la merde. Donc, il l'a recommandé pour ça, sinon, il ne l'aurait pas recommandé. Mais voilà, lui, il aimait Spawn. Il aime Spawn encore. Hein. Je ne sais pas s'il a revu. Tout en reconnaissant que c'est de la merde. Hein. Ouais, non, clairement. Évidemment. Parce que putain, si tu l'aimes vraiment objectivement, je ne sais pas comment tu fais. Hein. Mais voilà. Bah, tu aimes souffrir, quoi. C'est ça. Ne parlons plus de ça, puisque je pense que même donc le créateur du personnage Todd McFarlane ne veut plus en parler. Et d'ailleurs, ce sera le réalisateur du film. Donc, c'est lui qui a dessiné, scénarisé Spawn, le comics, et il va s'attaquer à la réalisation. C'est sa première réalisation. Le film sera, d'après ses propres mots, sombre et classé R, ajoutant qu'il s'agirait d'un classement R plus appuyé que pour Deadpool. Ça veut dire qu'il ne fait pas que des blagues de caca, etc. Ouais. Le budget du long métrage produit par Blumhouse sera de seulement 10 millions de dollars, mais une partie étant prise en charge par le cinéaste qui aura donc une grande liberté sur le projet. Donc McFarlane dépense son propre argent pour le film. Il a dit « je dépense mon propre argent », alors qui se soucie si le film ne marche pas ? Voilà. Donc, oui, c'est clair. Donc voilà. Alors, pour voilà, moi je suis plutôt impatient, mais j'ai quand même des doutes parce que bon, Todd McFarlane, c'est une première réelle quoi. Voilà, c'est une première réelle. On peut pas savoir à quoi s'attendre un minimum. C'est ça. Même si c'est le gars qui a créé le personnage, c'est le gars qui le dessinait, qui le mettait en scène sur un dessin, et c'est qui, son bébé. Voilà, c'est ça. Avec une caméra, c'est quand même un petit peu différent que sur papier. Donc voilà, il a été producteur, il me semble, de quelques films. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que Ryan Reynolds, lui, adore Deadpool. Ah oui, oui, non, mais tous les gens qui étaient derrière Deadpool adoraient Deadpool. Hein. Donc bon, ça, voilà, hein, comme oh. quoi, bah oui, on non. a beau adorer un personnage, et, oui. ça ne marche pas toujours. Quoi. C'est ça. Bon, après, lui, il a l'excuse de l'avoir créé. Donc, il connaît mieux que personne le personnage, ça c'est clair qu'on peut, on pourra pas lui reprocher ça, mais voilà, après ça peut donner une bonne surprise, on sait jamais ce que Todd McFarlane peut proposer, puisque ses plans quand il fait dans ses cases de comics, c'est quand même assez cinématographique, c'est comme un storyboard pour quoi. La plupart, ouais, c'est assez c'est très bien réalisé au niveau du cadrage, etc., souvent. Donc alors, s'il arrive à mettre ça en place avec un bon chef opérateur, etc., bah pourquoi pas, franchement, ça pourrait être vraiment ça peut donner vraiment quelque chose de cool, et surtout que le film sera classé R, comme ça aurait dû être le cas dès le Spawn des années 97. Je vous invite, si vous n'avez jamais vu Spawn, à regarder juste la bande-annonce pour vous faire une petite idée des effets spéciaux déjà, qui vous feront relativiser sur tous les effets spéciaux de... C'est ça. C'est vraiment des... Voilà, c'était assez atroce, et il était dégoûté, justement, Todd McFarlane, que son personnage avait été réduit à ça, quoi. Donc, je pense qu'il va prendre une bonne revanche sur Hollywood sur ce coup-là, et ça peut donner quelque chose d'assez cool, je pense. Eddie, toi, est-ce que le projet t'intéresse ? Disons que j'ai tellement été déçu par le... Enfin, déçu. J'avais aucune attente. Oui, voilà. Mais j'ai tellement été... dégoûté. Comment dire ? Oui, voilà, dégoûté, je pense que le mot est juste, par Spawn, mm-hmm. que du coup, je peux me dire que ce film ne sera que meilleur, de toute façon. Oui, ah non, mais c'est clair, hein. même si c'est la... Enfin, ça peut pas être pire, hein, franchement. Ça, voilà, c'est vraiment... donc de là à dire que je l'attends, non, ouais. mais oui, éventuellement, après une première bonne annonce, peut-être que ça peut me rendre curieux. En tout cas, moi... pour le moment, bon... Oui, bah oui, c'est clair. Pour le moment, en tête, j'ai l'image de l'autre. du clown. ouais. Ouais, ouais, ouais, non, on veut plus voir ça. Mais bon, je pense pas qu'il fera la même erreur. Hein. Donc, on attend une première bonne annonce, et de toute façon, on en reparlera quand on aura cette première bonne annonce. On passe à la suite avec encore des super-héros. voilà, on parlait de mauvais effets spéciaux. Bon, on va en reparler là, mais c'est pas du niveau de Spawn, hein, je vous rassure. Ah non, heureusement. Il y aura un problème. Mais voilà. Donc, la Justice League, la dernière bande-annonce, le film sort le 15 novembre, donc très, très prochainement, donc à peu près 15 jours. On a eu le droit à la dernière annonce, donc vous connaissez un peu l'histoire de toute façon. Batman, Wonder Woman, Aquaman, Flash et Cyborg se retrouvent pour lutter contre la menace Steppenwolf, qu'on ne voit pas dans la annonce, ou un petit peu, il me semble, mais en tout cas, on le voit pas autant que Doomsday, autant qu'on voyait Doomsday dans Batman v Superman, dans la annonce en tout cas. Voilà. Donc. Bande-annonce de 2 minutes trop longue. Ouais, trop longue de toute façon, hein. comme toutes les bandes-annonces de Justice League. Et ce qui est marrant, je crois que c'était déjà le cas pour la dernière, mais je remarque de plus en plus qu'ils font un mini micro teaser avant le début de la bande-annonce. Oui, oui, non, mais je comprends c'est... On vous tease la bande-annonce que vous allez regarder. C'est un nouveau concept Hollywood. C'est la bande-annonce d'une bande-annonce. c'est vraiment n'importe quoi. Mais voilà. En tout cas, on a eu le droit à cette bande-annonce. Moi, je l'ai vu que récemment parce que j'avais entendu tout le... Enfin, il y a beaucoup de monde qui n'avait pas trouvé ça génial. Il y a certaines personnes qui avaient trouvé ça génial aussi, mais moi je l'ai vu que très récemment quand on préparait l'émission, et au début j'avais toutes ces histoires, c'est pas terrible, ça ressemble pas à grand chose, Le début de la bande-annonce, je me suis dit, ah, ça a l'air sympa vraiment, parce qu'on voit Lois Lane voir Clark Kent dans un champ en train de faire pousser des patates ou quelque chose. Et voilà, il parle de la bague qu'elle avait au doigt pendant que alors, je sais pas si on va spoiler. Bon, après, il spoil directement Batman v Superman dans la bande-annonce, mais en tout cas... Bah, c'est qu'après, ils partent du principe que les gens les ont vus aussi. Voilà, quoi. C'est ça. Donc, pendant qu'elle mettait la terre sur le cercueil de Superman / Clark Kent, et après, elle se réveille, elle regarde sa bague au doigt, et la bande-annonce devient de pire en pire jusqu'à là. Là, c'était le seul moment où je me suis dit, ah, ça peut être sympa, ça a l'air joli, c'est plutôt cool. Après, je pense que la bande-annonce n'est pas forcément très représentative de ce que sera le film, quoi. Je pense et je l'espère. Mais après, pour que personnellement, et je crois qu'on est à peu près tous dans le même cas, les bandes annonces de films d'ici, ça nous a jamais vraiment trop inspiré. C'est toujours la surprise, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mauvais dans la salle. Les bandes annonces, c'est souvent même. Moi, il y avait vraiment, vraiment celle de Man of Steel qui m'avait beaucoup plu, toute première. Ouais. Et... où c'était vraiment que des images un peu données comme ça à la volée et qui évoquaient juste, mais très sobrement, Superman. Ouais. Et il se trouve que c'était bien. Maintenant, on n'en est plus là. Mais, non, c'est clair. On n'est plus dans la sobriété. Là, c'était en 2012, du coup. Ouais, c'est ça. Et à l'époque, je trouvais que c'était vraiment joli. Bah, surtout, tu avais Christopher Nolan attaché au projet. Donc, tu vois, tu avais quelque chose quand même. Tu sortais de... Et on sortait juste de The Dark Knight Rises. Donc, voilà. Donc, tu avais quand même quelque chose. Tu disais, oh là là, Superman d'une qualité de The Dark Knight. Enfin, voilà. On pouvait qu'attendre que le meilleur. Bon, après, là, on s'attendait vraiment à ça. Ouais, c'est ça, clairement. C'est pour ça que beaucoup ont été surpris. Man of Steel valait ce qu'il valait, mais il était quand même plus dans le ton d'un Dark Knight que de ce que c'est maintenant, en fait. Ah oui, non, mais clairement. Oui, c'est sûr. Tu sentais quand même un petit peu la patte Nolan derrière. Qui était producteur sur le film, qui n'était pas réalisateur. Donc voilà, nouvelle bande-annonce. On avait dit récemment que Joss Whedon avait assuré la post-production aussi des reshoots, qui sera crédité comme scénariste du film. T'es sûr qu'il n'est pas crédité comme réal aussi ? C'est possible, mais il me semble que j'avais vu qu'il sera crédité en tant que scénariste déjà. Après, c'est possible qu'il sera... Parce que moi déjà, je viens d'apprendre... C'est que Justice League, je pensais qu'il était divisé en deux, mais en fait, non. Ah non, pas du tout. Il y aura un Justice League 2. Oui, mais... Mais c'est pas il va pas y avoir un cliffhanger à la fin de celui-là. Non, je pense que... Enfin, non, j'espère pas. Parce que sinon, ce serait vraiment salaud, quoi. Parce que Justice League 1, et après, il y a sûrement Aquaman et Flash et Cyborg qui vont sortir... Techniquement, c'est Aquaman le prochain. Ouais, voilà, et ça se trouve. Bah, il faut, depuis le temps qu'il nous en parle. Ça se trouve, il y aura Batman ou un Wonder Woman 2 qui sortiront entre temps, entre Justice League 1 et le 2. Donc, voilà, si c'est pas tombé à l'eau tous ces projets. Man of Steel 2 qui doit sortir. Oui, aussi, c'est vrai. Donc voilà, il y a quand même des projets. Je pense pas qu'ils vont nous faire un cliffhanger, franchement. Ce serait salaud. Voilà. Bon, personnellement, pour moi, la bande-annonce, elle me donne vraiment pas envie. Mais comme toutes les bandes-annonces d'ici, Wonder Woman, je trouvais ça pas terrible. Batman v Superman aussi. Suicide Squad, pas terrible, mais bon, ça, j'avais raison. Mais, mais voilà. Et Man of Steel, c'était différent parce qu'on sortait de Dark Knight, comme on disait. Donc, même si la bande-annonce n'était pas. La première bande-annonce était vraiment cool. La deuxième, je m'en souviens plus très bien. Mais en tout cas. Quand on allait voir Man of Steel, on était très hypé. Voilà, celle-ci, je pense qu'on verra clairement quand on sera dans la salle ce que vaut ce film. Parce que, c'est ça. Pour moi, il y a vraiment la team marketing qui essaye de, enfin, qui coupe les bandes annonces et qui qui essaie vraiment de rentrer dans le jeu de Marvel avec avec les grosses explosions, les attaques, etc. Bon, voilà. Et après le film, on verra ce qu'il vaut quand il sera sorti, quoi. Mais moi, il y a juste quelques trucs qui m'ont un peu choqué, comme les effets spéciaux qui sont clairement pas terminés. alors que c'est la dernière bande-annonce et que c'est censé prouver le produit fini, quoi. Et surtout le passage en fait où il y a Cyborg qui rattrape Aquaman en l'air. Et tu vois, mais le fond vert à 10 000 km, et t'as l'impression d'être dans un film de Rodriguez, quoi. Vraiment. Tu t'attends à voir débarquer Danny Trejo. C'est ça, voilà. T'as l'impression d'être dans Spy Kids, quoi. C'est mauvais à ce point-là, quoi. Mais, mais à part ça, sinon, voilà, pourquoi pas. Le film, moi, me tentait pas non plus énormément à la base. Et. Bon, Justice League peut me tenter. Après, je pense que je suis quand même plus, concernant DC Comics, je suis plus sur les standalone quand même. Ouais, moi c'est Wonder Woman, hein, franchement, clairement, qui m'a foutu la claque et qui, bah, j'espère voir plus de Wonder Woman dans ce film. D'ailleurs, les reshoots ont été faits pour ça. D'ailleurs. Et finalement, c'est limite la plus intéressante, quoi. Ouais. De cet univers-là. C'est clair. Enfin, pour l'instant, on n'a pas vu Aquaman, Flash et Cyborg. D'ailleurs, Flash qui sort, Barry Allen plutôt, qui est l'homonyme de Flash, qui sort ses blagues. Enfin, sa blague à la fin, elle est vraiment pas terrible, je trouve. Je me souviens même plus, mais je me suis dit, oh là là, ça commence vraiment mal. Quand ils essayent de faire des blagues, ça tombe parfois un peu à l'eau. Sauf avec Wonder Woman, parce que avec Wonder Woman, il y avait l'aspect pas chronique, qui était, enfin, elle était dans une période différente, quoi, et du coup elle devait s'adapter, etc. Et ça, c'était, enfin, il y avait le côté décalé qui était intéressant, qui était marrant, voilà. Mais voilà, si tout le film Flash nous fait des blagues comme ça, ça part un peu mal. C'est clair, on va avoir un Flash Homecoming. C'est ça, voilà. Après, dans la bande-annonce et de façon de ce que l'on voit depuis le début, c'est vrai, visuellement, ce qui a l'air le plus intéressant, c'est tout ce qui tourne autour d'Aquaman, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai la photographie, le froid, l'eau, tout ça, c'est... Et c'est quelque chose qu'on n'a pas vu, en fait. Parce que... Les combats, ça correspond bien au personnage. Les combats dans des arènes, c'est clairement des arènes en CGI avec des monstres à l'infini. On a vu ça, mais tellement de fois que ça nous intéresse plus. On a vu ça à la fin de Batman vs Superman. Voilà, et on a vu ça dans tellement de films Marvel qu'on n'en peut plus. Donc on veut voir autre chose. Et voilà, et ça, c'est, et je dis pas ça parce que c'est DC. Vous allez m'entendre après sur un autre film Marvel et je dirai la même chose. Donc voilà, c'est clairement, on en a marre de voir les mêmes choses dans les films de super-héros, et ça commence à se faire sentir surtout quand il y a d'autres films de super-héros qui prouvent qu'ils peuvent faire autre chose, qui peuvent montrer d'autres univers. Et tu penses à Thor? J'ai pas encore vu Thor, mais on verra ce que ça donne. Mais oui, je pense à Thor, je pense au nouveau mutant dont on va parler après. Ça, c'est quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, quelque chose qu'on n'a pas vu. Et attends, Iron Man, c'est sorti en 2008. Ça va bientôt faire 10 ans. On connaît là, c'est... On connaît la formule et il faut peut-être changer. Oui. Voilà. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur Justice League? On va passer non, à la suite. Non, pas spécialement. Après, voilà, DC continue son petit bonhomme de chemin. On va voir. C'est ça. On verra ce que ça donnera. On verra ce que ça donne. C'est vrai que oui, j'attends plus Aquaman ou ne serait-ce que pour voir James Wan dans cet exercice-là. C'est vrai. C'est vrai que ça va être intéressant, ça. Donc plus Aquaman, un film centré sur Batman, même Man of Steel 2, Wonder Woman, la suite aussi. Enfin, ouais. Plus quoi. Plus les films solo, quoi. Ouais. Leurs grandes réunions, je sais pas. En fait, on a l'impression que ça vient trop tôt, déjà. Et que... Mais en même temps, ils n'ont pas vraiment le choix, donc bon. C'est vrai. En fait, ils sont coincés, de toute façon. De toute façon, eux, c'est, à mon avis, c'est un sacré bordel en termes de production et de calendrier, parce que du coup, ils sont complètement à la ramasse par rapport à Marvel, qui a 10 ans d'histoire. Il faut qu'on arrête de dire... Enfin, voilà, il ne faut pas se voiler la face. Hein. Ils sont en concurrence, les deux, évidemment. Oui, ils font des choix logiques, bien sûr. Ouais. Après, des choix logiques au niveau argent. Bah oui. Pas au niveau artistique. Ah non, bien sûr. Clair. Mais après, un studio hollywoodien. Donc voilà. Voilà. Passons à la suite. Et là, c'est toi qui vas parler, puisque moi, je n'ai pas vu la bande-annonce et je ne souhaitais pas la voir. C'est pas que je n'ai pas fait mon travail, c'est que je délibérément pas souhaité voir la bande-annonce. Tout le monde a déjà compris qu'on allait parler de Star Wars. Voilà. puisque voilà, on en parle tout le temps quasiment, mais en même temps on peut pas l'oublier. Donc Star Wars, les derniers Jedi, la dernière bande-annonce qui est sortie avec de nouvelles images. Le film sortira le 13 décembre 2017 en France. Voilà. Bientôt. Réalisé et scénarisé par Rian Johnson. Scénarisé par Rian Johnson, c'est un peu la rigolade parce qu'il y a sûrement une équipe de scénaristes derrière. C'est plutôt, c'est comme s'ils écrivaient une série télé plus qu'un film, je pense, au niveau du scénario. Et donc voilà, tu as vu la bande-annonce, 2 minutes 25, donc c'est quand même assez long. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que ça a changé ton avis? 2 minutes 25, mais c'est assez bien. Contenu. C'est très onirique. D'accord. Donc du coup, ça c'est pas fait pour t'en mettre plein la gueule comme Justice League. Ouais. Bon, Star Wars n'a pas besoin de ça pour convaincre, non, de toute pas. Façon. Ils savent que les gens viendront. Donc c'est du coup, et c'est là qu'on voit la différence. C'est voilà, Justice League, c'est fait pour amener le public. Ouais. Et Star Wars, bah, de toute façon, on sait que vous allez venir, donc on va vous présenter. Voilà, on va faire quelque chose de plus posé, de plus dans l'artistique, et bah ça donne carrément envie, quoi. Ouais. Ouais, visuellement, ouais. Ça a l'air complètement dingue. Enfin, c'est vraiment, c'est ce qui est vraiment bien en fait avec cette nouvelle trilogie, c'est que du coup ça peut se permettre tout ce qui était cheap en fait dans la trilogie et dans la prélogie. Ouais, dans la prélogie surtout au niveau des CGI, je parle. Ouais, mais même les décors, les. Certains effets qui, du coup, là, bah, sont rendent très bien, quoi. Est-ce que... Après, on sent la patte Disney. Ouais. J'ai juste une question. Est-ce qu'on retrouve un peu l'envie de J.J. Abrams d'avoir plus de marionnettes ou des choses comme ça plutôt que des CGI? Ou alors... Enfin, je parle au niveau des créatures et tout ça. Est-ce qu'il y a un peu ce côté... Oui, c'est tout CGI. On voit deux on voit Chewie, donc ouais, qui est toujours costume, acté. Ouais. Mais après on voit une petite créature, alors qui bon oui, forcément tous ceux qui ah, oui, pas oui, le nouveau Star Wars vont dire mais ça c'est la patte Disney, c'est pour vendre des plus. Alors ouais. Les gars, c'était déjà le cas avec des Ewoks, hein. C'est ça. Et après on voit un truc, c'est un genre de Pokémon. Tu me fais pas envie quand tu dis ça. Ouais, non mais il est très beau, hein, c'est Pokémon. Une belle créature, mais c'est vrai que je m'attendais pas à voir ça dans un Star Wars. C'est un genre de renard, un peu renard des d'accord neiges. Ok, pourquoi pas, mais on sent que c'est vraiment là pour l'artistique, c'est pas ça va pas être central, quoi. Ouais, d'accord. Mais ça, oui, c'est il y a une bande de créatures qu'on voit un moment et ça fait un peu renard machin, et qui se réfugie en fait, donc on se dit ah, le premier ordre va peut-être s'en prendre vraiment à une planète et menacer non pas juste les Jedi, mais carrément toute la faune, la flore. Peut-être qu'il y a un truc mystique autour de la force et que bah, la nature se préserve dans un... Enfin, je sais pas. D'accord, c'est... Ouais. Parce que du coup, on repense au titre qui avait été envisagé aussi, les temples Jedi, machin. Ouais, donc, ouais, ouais. Beaucoup de spéculations. Moi, ça m'a donné carrément envie. Kylo Ren a l'air vachement plus... Enfin, a l'air de s'approfondir, en ouais. tout cas. Vu ce qu'il a l'air, enfin je sais pas si la bande annonce essaie de nous induire en erreur, mais vu ce qu'il a l'air d'entreprendre, comment dire sans spoiler, parce que j'ai pas envie non plus de trop t'en dire à toi. Ah surtout. Ouais, non mais enfin y a pas de souci, hein, si tu. Bah disons tu que je sais pas quel sort est réservé à Leia. D'accord. Oui, ouais, mais... ça c'est clair que c'est le gros point d'interrogation par contre. Ça. Je crois que ce petit devrait aller voir un psychiatre, il a l'air d'avoir des gros problèmes avec d'accord, ses parents. Okay. D'accord, ok. Mais ça se sentait déjà dans le premier, hein, enfin dans le 7. Oui, ouais. Légèrement, très légèrement. Mais du coup, dans le premier, rien là-dessus nous était dévoilé. Ouais. Sauf que là, c'est voilà, dévoilé. On sent vraiment que Snoke l'invite à passer totalement du côté obscur. Ok, ouais. Et peut-être que, entre guillemets, ça devrait passer par le meurtre de sa mère, quoi. D'accord. Peut-être. Oui. Après, c'est ce que la bande-annonce nous donne l'impression. Ça sera peut-être pas ça du tout. Hein. Ouais. Mais de toute façon, Leia, bon... Après, moi... Je pense que Leia, il faut s'attendre à ce qu'elle, malheureusement, elle passe l'arme à gauche. Ouais, et moi, ce sera un des gros points d'interrogation, et je pense qu'on n'aura peut-être jamais la réponse, c'est ce qui était prévu à la base... Et ce qui a été malheureusement prévu après la mort de Carrie Fisher. Mmh. Ça, je pense qu'on n'aura pas la réponse. Est-ce que c'est là ou est-ce que ce sera dans le prochain? Je ne sais pas. C'est ça, ouais. Mais de toute façon, oui, Leia aura un destin maintenant scellé. Oui. Soit elle rejoint... alors peut-être qu'ils vont faire un truc onirique. Hein, ouais, on sait. Rejoindre la force, un peu comme Yoda, ou je ne sais pas. Ouais. Je ne sais pas du tout. Je sais pas. On de toute façon, on verra. Ça, c'est clairement. Après, bon, il y a un petit côté. Bon, ça fait l'Empire contre-attaque sans faire l'Empire contre-attaque. C'est ça qui est assez compliqué. C'est qu'on retrouve un peu le côté entraînement avec Luke et puis Rey, tout ça. Il y a un côté neige qu'on retrouvait, planète neigeuse qu'on retrouvait. Ouais, voilà, dans l'Empire contre-attaque. Donc, c'est. Bah, j'espère que ça va pas être un empire contre mais, un bis, voilà, moi, c'est ce que j'allais dire parce que j'entends déjà tous les haters nous sortir ah ben de toute façon le 7 c'était comme le 4 donc le 8 ce sera comme le 5 et moi c'est juste de ça dont j'ai peur qu'ils ont pas fait trop attention aux critiques sur ça et qu'ils aillent trop dans la direction de la reproduction carrément du... Ouais, la nostalgie, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, moi, j'étais complètement, comme je l'ai dit 3000 fois déjà, mais j'étais complètement enchanté par le 7e, que je n'ai pas revu, mais je pense revoir avant d'aller voir celui-là. Voilà, moi, personnellement, même si on retrouvait un peu le schéma du 4, j'étais emporté dans l'univers et je m'en foutais Moi, je suis le premier à le dire, hein, que ça reprend le schéma du 4, mais ça raconte pas la même chose non plus. Donc, bon. Ouais, et tu sais quoi, moi, je m'en suis même pas rendu compte jusqu'à ce qu'on me le dise parce que j'étais tellement emporté dans le film que c'est pas qu'on aurait pu me raconter n'importe quoi, mais enfin, clairement pas, parce que s'il y avait une grosse connerie, je l'aurais remarqué, mais voilà quoi, j'étais tellement emporté dans le film que j'ai pas remarqué que le schéma était un peu calqué sur le quatrième. Et c'est vrai que quand j'y repense, c'est vrai qu'il est calqué un petit peu, mais voilà. Voilà, moi j'espère qu'ils font. Mais c'est surtout au niveau du déroulement, quoi. C'est ça, c'est ça. Voilà. Mais moi je suis impatient de retrouver les personnages. Mais en même temps, c'est vrai que c'est pas évident parce que bon, Star Wars c'est quand même le 8e film qui sort là. C'est ça. Et enfin 9e avec Rogue One. Hein. Ouais. Mais non, alors que Rogue One ne ressemblait à aucun autre Star Wars. Ouais. Ouais. Donc c'est vrai que, et tant mieux parce que c'est un spin-off, mais même en termes d'univers et de décor, ça proposait des trucs qu'on n'avait jamais vus. Enfin, Rogue One, toute une partie du film se passe sur un truc un peu plus tropical, quoi. Ouais, ouais. Ça, on n'avait jamais vu ça encore dans Star Wars, mais c'est plutôt cool. Mais je pense qu'au bout d'un moment, tu fais des références sans vouloir les faire aussi. Bah, en même temps, c'est tellement, c'est tellement classique, c'est devenu classique, la structure Star Wars, et même quand c'était sorti, c'était très classique, hein. Oui, oui. Mais c'est pas ça qui a fait le succès du film, c'est les personnages, c'est l'univers, c'est d'autres choses, la structure du scénario de... Bah, Star Wars, c'était le conte réinventé, c'est quoi. C'est ça, voilà. C'est pas le bien contre le mal, hein. Star Wars c'est très manichéen, mais c'est pas un scénario de dingue, c'est pas ah ça non, qui non, t'emporte on pas, non, voilà on n'y va pas pour le les scénario scénarios, enfin à part pour, je pense pour le 5 et enfin le 5 avec la révélation de Dark Vador, je pense que là il y a beaucoup de monde qui alors a que été, là tu vois par contre du coup si ce qui me fait dire que ça j'ai pas l'impression que ça va ressembler à l'Empire contre-attaque pour autant parce que je m'attends pas à une grosse révélation en tout cas la bande annonce l'augure pas d'accord ouais donc bon enfin moi c'est pas le sentiment moi, que j'ai je pense qu'ils gardent leur révélation leur grosse révélation pour le dernier comme le septième le neuvième enfin qui garde puisque ils ont enfin ils posent quand même pas mal de questions qui est Snoke enfin il y a pas mal il y a beaucoup de questions même Snoke j'ai pas l'impression qu'on en saura vraiment voilà les parents de Rey etc on n'en sait rien et je pense pas que ils vont répondre à énormément de questions dans le 8 et qu'ils non, vont par contre, garder je pense qu'on tout aura des dans le 9 je pense qu'il va être plus centré sur Kylo Ren en fait celui-là d'accord ouais. sur Rey et Kylo Ren ouais d'accord et je pense que oui enfin oui je pense oui même c'est même sûr on en saura plus sur l'entraînement de Kylo Ren avec Luke aussi ouais ouais donc parce que via l'entraînement de Rey en fait ça va faire appel mais c'est ça mais c'est intéressant si ça c'est ce sera pas inintéressant c'est sûr que le schéma va ressembler un peu à l'Empire contre-attaque mais ça c'est sera ça. Pas inintéressant ouais. pour autant Parce qu'après, c'est des nouveaux personnages, c'est... mais bon, c'est vrai que c'est, là, c'est facile de dire, bah oui, mais bon, ça peut être des nouveaux personnages, s'ils refont la même chose, oui, c'est sûr. Bah après, voilà, c'est... Mais les enjeux sont... On est le serpent qui se mord la queue, hein. C'est... On ouais. ne peut pas éviter. Mais Star Wars, il faut se dire que ce sera toujours ça, ce sera toujours un pouvoir contre un autre, quoi. Et ouais, après, ils vont peut-être pouvoir... puisqu'en fait, ils veulent, je pense, raconter du 1 au 9... la saga Skywalker entre guillemets oui. Et que peut-être je pense qu'après c'est fini oui. peut-être après le 9 ils iront parce que enfin c'est un des reproches qui se fait beaucoup pour le 7 aussi c'est que l'univers de Star Wars c'est tellement vaste que pourquoi on se concentre sur une petite famille dans un univers c'est, voilà donc je pense qu'après le 9 ils vont ce serait bien pour Disney justement pour éviter toutes ces critiques futures et même qui vont sûrement avoir de passer à autre chose complètement de sortir de la planète de sable sortir la planète de glace et aller autre part voilà parce que l'univers est gigantesque moi je verrais bien un Star Wars plus aquatique quoi par exemple ouais c'est vrai quoique on a un peu eu ça quand même dans le premier avec les Gungans et puis oui là, puis les clones aussi ouais voilà mais bon voilà on verra bien ce qu'ils feront avec cet univers mais c'est vrai que oui quand on a un univers comme Star Wars entre les mains ça serait intéressant de voir de voir autre chose aussi ouais. Parce que il y en a qui voilà James Cameron il a conscience de ce qu'il a fait avec enfin de ce qu'il a sous les de ce qu'il a entre les mains avec Pandora ouais. Et a priori, là, Pandora, je pense que le côté jungle, on va le retrouver avec les navis et tout, mais on ira vers autre chose. Hein. Ouais. Pour moi, elle va nous emmener, oui, dans tout ce qui est plus océan, tout ça. Et il le disait un peu. Ouais. Et là, ça risque en même temps, avec la technologie qu'il va avoir à son service, je pense que ça risque d'être assez dantesque. Lui qui est tellement accro aux océans, enfin, surtout... Oui. Ce qui se passe en dessous. Enfin, il me semble qu'il est. Enfin, avec Abyss aussi, mais. Abyss, ouais. C'est un grand, plongeur. Avec son. Bah, le Titanic, il l'a vraiment vu, lui. Hein. Oui, oui. Il est descendu plusieurs fois. Donc, voilà. Passons à autre chose. On va passer très rapidement sur cette news, puisque je pense que tu n'auras pas grand chose à te dire. Sur Alien, donc sur la suite d'Alien, Ridley Scott qui parle un peu de la suite de Alien Covenant. Quand même Ridley Scott qui a mis son nom sur qui a réalisé deux films en 2017 et qu'il est sur 5 en tant que producteur cette année, donc il chôme pas clairement. Donc Ridley Scott a annoncé qu'il souhaiterait pour la suite de la suite se fera malheureusement j'ai envie de dire parce que quand après avoir vu Alien Covenant on est un peu déçu que la suite se fasse Alien Awakening c'est ça hein. Je sais même pas comment il va l'appeler mais je crois qu'on n'a même pas le titre hein. C'est possible qu'on ait le titre moi c'est ce que je vois là en 2019. Ok, bon, Alien Awakening devrait se concentrer plus sur le monde des intelligences artificielles. Il voulait voir comment les intelligences artificielles créaient des nouvelles choses sans les humains. Voilà. Comment elles peuvent se développer, etc. Via le personnage justement de David, donc le robot interprété par Michael Fassbender. Voilà, il va plus se concentrer sur les intelligences artificielles que les aliens apparemment sur le prochain film. Pourquoi pas? Mais après, voilà, après avoir vu Alien Covenant, on est... Ouais, le truc, c'est que ça sera plus Alien, quoi. C'est ça. Ceux qui ont vu Alien Covenant savent qu'il va encore y avoir des aliens. De toute façon, comme c'est une préquelle, c'est pas la fin. Mais il arrive quand même un petit peu vers son premier film, puisque... Faire une boucle peut-être. Je sais pas, parce qu'en tout cas... Que le huitième passager serait vraiment la finalité, quoi. C'est ça. En fait, je crois qu'il déteste les films qui ont été tournés après lui. Je crois qu'il il le cache pas. Les films de James Cameron, David Fincher et Jean-Pierre Jeunet, il les aime pas. Lui, il fait son propre univers à lui, qui se passe avant son film. Et la finalité, c'est son film, son premier film, quoi. Et c'est vrai que les autres ont l'air de s'en foutre totalement de ce qu'il fait de Alien. Hein. Ah, bah, ils ont rien à faire. James Cameron s'en fout de l'univers complètement, je crois. David Fincher, il a eu tellement une mauvaise expérience que je pense qu'il veut plus en entendre parler. Et Jean-Pierre Jeunet, je crois pas que. Mais moi, c'est vrai que. J'aime pas s'il travaille encore Jean-Pierre Jeunet, parce que c'était quand son dernier film, quoi. T.S. Pivet, c'était en 2014, je crois. Ah oui, bon, si ça va, en fait, il travaille encore. Mais je crois que son dernier film, c'était Micmac à tire-larigot, quoi. Je sais plus. non, c'était pas ça, mais voilà, quoi. Oui, tu voulais dire Jean-Pierre Jeunet? Jean-Pierre Jeunet, il a pas un rythme de travail de toute façon très soutenu. Ouais, oui, c'était ça, 2013, Jean-Pierre Jeunet, son dernier. Ouais, voilà. Bon, si, il travaille encore. Si, il a bien l'air de... Ouais. Mais voilà, donc ils s'en foutent complètement de... Il y a des courts-métrages, oui, il y a un court-métrage là qui est sorti en 2016. Pour le moment, il n'y a pas de projet, a priori. Ouais, mais Ridley Scott a quand même supervisé c'est même lui qui a supervisé la remasterisation pour les Blu-ray des films de James Cameron, David Fincher et Jean-Pierre Jeunet. Tellement les trois autres n'ont rien à foutre de leurs films. C'est quand même assez fou. C'est peut-être pour ça que le master du premier Alien est tellement magnifique. Ils sont aussi beaux les trois autres, mais le master du premier Alien, ça en fout une claque assez dingue en Blu-ray. Ouais. Donc voilà. Bon. Moi, je l'ai vu en DVD, un DVD pas forcément récent, mais déjà c'était pas vilain du tout. Ouais. Je te dis que le Blu-ray, c'est juste splendide. Voilà, on verra bien ce que ça donnera. Se concentrer sur les intelligences artificielles, pourquoi pas, mais bon, je trouve qu'il explorait déjà un peu beaucoup ça dans Covenant. S'il s'attache plus à ça dans l'autre, pourquoi pas, mais. Après, c'est vrai que les humains dans Covenant étaient tellement pas terribles que s'il y a que des robots dans le film, pourquoi pas, franchement, clairement, parce que... Ouais, parce qu'il abordait déjà la question de l'intelligence artificielle dans Prometheus. Oui. Parce que moi, j'ai pas vu Covenant, mais... Avec Fassby, là. Oui, avec David, du coup, le robot. C'est toujours le même. Et même dans le premier Alien, hein, avec Mother, c'était l'intelligence artificielle du vaisseau. Oui, qui était très calqué sur HAL. Oui. Bah, après, c'est normal. Hein. C'est normal. Il a tellement foutu une claque, Stanley Kubrick, à tout le monde. C'est un peu comme avec Star Wars, où d'un moment, tu fais des références à Stanley Kubrick. C'est ça. Tu peux pas faire de film sans faire de référence à Stanley Kubrick. Pourquoi pas, on verra bien, mais moi, je suis pas très impatient de voir cette suite. Passons à un truc qui me rend très triste. C'est l'abandon de l'adaptation de Disney de Jack et le haricot magique, donc Gigantic, le film. Et pourquoi ça me rend triste? Parce que c'était le prochain film qui devait être réalisé par Nathan Greno et Meg Le Fauve, qui étaient les scénaristes de Réponse, qui était clairement un des films les plus drôles de Disney, que Disney ait jamais produit. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps. Déjà au niveau visuel, tout ça, les chansons, elles sont vraiment cool, l'histoire est vraiment sympa, mais juste au niveau humour, le film, il est à tomber par terre. C'est le film le plus drôle Disney, clairement. Ah oui. Personnellement, pour moi, je crois, hein, parce que. Attends, ah, moi, je trouve que c'est Cusco, moi, quand même. Ouais, Cusco, il est sympa, vraiment aussi très drôle, mais. En termes d'humour. Mais celui-ci, ouais. il m'a fait exploser de rire, comme je pouvais pas m'y attendre, en fait. Mm. Vraiment, tu te dis, tu vas lancer un film. Moi, c'est le cheval, j'adore le cheval. Ouais, ouais. Tu te dis, tu vas lancer un film qui s'appelle Réponse. Tu t'attends pas vraiment à exploser de rire par terre, quoi. Et non. Là, moi, j'étais. Et tout en restant un super conte. Ouais, de voilà, c'est ça. C'est ça qui est génial. Et moi, j'ai dû mettre pause parfois durant le film, tellement je rigolais, quoi. Vraiment, c'était un super film. Et je suis dégoûté parce que je pense que parce que le synopsis, c'était qu'au 16e siècle, ça se passait au 16e siècle, c'était en Espagne. Qui vivaient au rythme des conquistadors partent conquérir sur de nouveaux territoires. Jack, un garçonnet, rêve lui aussi de gloire et de conquête. En s'aventurant dans les nuages, il découvre un peuple de géants et sympathise avec Inma, une fillette de 11 ans mesurant plus de 18 mètres. Voilà. Donc ils en ont parlé, les réalisateurs, ils ont parlé du fait que c'est annulé, parce qu'il était prévu pour le mois de novembre 2020 quand même le film, ils disent que bien sûr que c'est impossible de savoir lorsqu'ils commencent à travailler sur un projet comment le processus créatif va se dérouler, et parfois même s'ils adorent l'idée et qu'ils y mettent tout leur cœur, ils réalisent que ça ne fonctionne pas, donc ils ont décidé, ils sont arrivés à un point où ils ont dû faire la décision assez difficile d'arrêter complètement la production du film ils concentrent toutes leurs énergies sur un autre projet qui était en développement et qui partageront bientôt et qui est prévu pour Thanksgiving 2020, donc c'est mi-novembre 2020, voilà pour voilà. Il y a toujours un film sur le manoir hanté qui doit sortir, hein, c'est vrai, chez Disney, dans les cartons, hein. Basé sur l'attraction. Et c'est censé être un film d'animation, ça ? Non, un film. Mais attends, mais il y a déjà eu le film avec Eddie Murphy, là ? Oui, alors, c'est qui était plus une comédie, et ouais. Là, ce serait plus dans la veine d'un Pirate des Caraïbes, c'est-à-dire. D'accord. Aventure, entre guillemets, parce que ça se passerait dans un manoir, mais. Ouais. Mais moins dans le ton comique, en fait. Oui, parce que. Il y aura forcément un peu d'humour, ouais. Disney, ça sera à grand public. Ouais. Mais plus axé sur la poésie, le poésie comique, quoi. Un peu. D'accord. Parce que les prochains projets des studios Disney Animation là, qui vont sortir, c'est pas avant 2019, c'est Ralph Breaks the Internet, Wreck-It Ralph 2, qui sortira le 6 février 2019, et La Reine des Neiges 2, qui sortira le 27 novembre 2019. Donc avant ça, on n'a plus rien, quoi. Donc, Non, Vaiana, c'était la dernière création originale. C'est ça, jusqu'à 2019. Enfin, ça paraît énorme. Je sais pas justement ce qui s'est passé. Peut-être qu'il y a eu d'autres projets qui ont été annulés entre temps. Par contre, il y a des films en préparation. Il y a Jungle Cruise qui, du coup, sera une adaptation de l'attraction que nous, on n'a pas en France. Sera du live, ça. C'est des films live, ouais. Ils se concentrent plus sur les films live, en fait, j'ai l'impression. Et puis sur leur adaptation aussi. Oui, ah oui, oui, clairement. Oui, oui, bah oui. Parce que là, pour le coup, il y en a. Il y a, ouais, non, il y a mais Aladdin, c'est ça, le Roi Lion, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Mais c'est. Aladdin, le Roi Lion, il y en a d'autres ? Ouais, il y en a plein. Il y a Dumbo. Pas Pinocchio, il n'est pas encore officialisé, mais. Bon, ça viendra. Ouais, avec Tim Burton. Ouais, c'est Dumbo, Tim Burton. Ah oui, c'est vrai. Attends, c'était. Ah oui, non, c'était pas Guillermo del Toro. Et je mélange tout, il y a tellement de projets, c'est pas possible. Donc voilà, non mais c'est dommage que Disney se concentre plus sur le live, alors que clairement c'est un studio. Mais bon, ce qu'il faut se dire, c'est que ça va durer qu'un temps. Hein. Oui, oui, oui. Au bout d'un moment, quand ils auront réadapté tous leurs dessins animés live, ils devront. Non, mais en fait, maintenant, faut se dire, oh, bon, bah, c'est une période à passer, et puis. Ouais, alors, j'espère. Disney connaît les succès et les périodes de vache mec, donc ça a toujours été comme ça. Ouais, ouais. Mais voilà. En fait, on a Pixar, quoi, en attendant. Ils restent constants, mais bon, c'était toujours sympa d'avoir un Pixar et un Disney sur une année, quoi, voilà, ou deux Pixar comme c'était le cas une année, ou deux Disney comme c'était le cas d'une autre année, l'année dernière justement, Zootopia et Vaiana, et pour le coup deux bons Disney, deux très bons Disney, ouais, franchement Ouais, rien à dire là-dessus. Zootopie, il n'y a pas de suite prévue, mais... Ouais, je pense qu'il... Bon, je vais peut-être... Bah, alors que techniquement, ce serait plus facile de faire une suite à Zootopie qu'à la Reine des Neiges, en plus. C'est clair, puisque la technologie n'a pas autant... Bah, puis ce serait plus sympa, parce que du coup, il y a le côté... Bah, l'univers, tout l'univers à développer encore. Enfin, bon, je sais grossièrement, mais... tu vois, ils pourraient franchiser genre l'arme fatale quoi avec Zootopie. le duo de flics ça fonctionne. Il y a tellement de bons personnages dans Zootopie et tellement de bonnes idées d'univers à explorer que c'est quasiment infini. Et en fait, c'était obligé que la Reine des Neiges 2 se fasse. Enfin, dans la logique Disney, c'était impossible que la Reine des Neiges 2 ne se fasse pas. Wreck-It Ralph 2, par contre, ça c'est un peu plus surprenant parce que Wreck-It Ralph c'était pas non plus un gros succès box-office, mais c'était un plutôt bon film, clairement. Et on verra bien. Au moins en 2019, on sait qu'on aura deux Disney. Mais en tout cas, moi je suis juste déçu pour celui-là, pour le Gigantic, parce que je l'attendais vraiment. En plus, c'était. Ouais, et puis c'est une adaptation qui est intéressante en plus. Oui, Jack et le Haricot Magique. Ils l'ont déjà fait avec Mickey. Chez Disney. Parce que le dernier film qu'on a eu sur Jack et le Haricot Magique, c'était celui de Bryan Singer. Qui était pas terrible, je crois, non. Je l'ai pas vu, mais. C'était un peu plan-plan, mais c'était divertissant, quoi. Ouais. Mais je pense qu'on. Il s'est bien amusé, disons. C'est ça. Ils auraient pu faire vraiment quelque chose de cool, et en plus, si c'était les gens qui étaient derrière Réponse, ça aurait été vraiment sympa, mais bon, voilà. On espère qu'ils travaillent sur autre chose aussi. Et donc toi, tu as quelque chose à redire dessus ? Un peu déçu aussi. Après, c'est pas, même si c'est pas le projet que j'attendais énormément. Mais là, il y a pas vraiment de projet en fait que j'attends chez Disney. Ouais, c'est ça. C'est un peu dommage. C'est vrai que maintenant, on va voir ce qu'ils vont faire, mais. Ouais, il y a pas assez. Oui, c'est vrai. C'est un peu dommage de se dire, pour le moment, on n'attend pas spécialement. Ouais, enfin, franchement, est-ce qu'on attend vraiment Wreck-It Ralph 2 et La Reine des Neiges 2, quoi. J'ai bien aimé le monde de Ralph, qui était très sympa. Moi aussi, et j'ai aussi beaucoup aimé La Reine des Neiges. Mais c'est pas, j'attends pas Disney de voir deux suites la même année, quoi. J'attends de voir un truc un peu original comme ce Gigantic, qui malheureusement. Une suite, un film original. Voilà. Mais deux suites la même année, ça fait un peu beaucoup. Quoi. Parce que bon, l'excuse, mais il n'y a plus de compte à adapter ou de trucs comme ça. Bon, c'est une connerie. Hein, parce que Vaiana, c'était. Ouais. Ça reprenait des trucs de mythologie, mais c'était une création originale. C'était des légendes. Des légendes de mince. Océaniques. Voilà. Polynésiennes. Polynésiennes, voilà, c'est le mot que je cherchais. Mais, il y a d'autres. Univers de contes à explorer. Il y a énormément de contes, par exemple, que ce soit dans l'univers asiatique, japonais, chinois ou alors africain, qui n'ont pas encore été adaptés par Disney, par exemple. Ouais. Ils sont plus concentrés sur le côté européen et nordique, ce qui est compréhensible, puisque dans les années 30, adapter un conte africain, on ne voyait pas trop Disney faire ça. C'est vrai que l'Afrique, je suis sûr que la Chine, ils peuvent y retourner, il y a d'autres trucs aussi. Ils ont fait que... L'Asie, ils ont fait que Mulan, il me semble. L'Inde, ils ont fait un petit peu avec le livre de la jungle. Le seul truc Afrique qu'ils ont fait, c'était Tarzan, quoi. Et Roi Lion. Et le Roi Lion, oui. Mais bon, c'est Macbeth, quoi. C'est pas un conte africain. C'est pas Macbeth. C'est Hamlet. C'est Hamlet. Je confonds toujours. Donc, pour moi, ils ont des contes vraiment à explorer et. Ils pourraient le faire, franchement, au lieu de nous servir des suites, quoi. Bref, passons à la suite. Un truc qui me réjouit, personnellement. La première bande-annonce des Nouveaux Mutants, on en parlait. Disney qui me dirait on va faire une adaptation du Petit Chaperon Rouge, je crois que ça me mettrait plus en joie. C'est vrai. Ça pourrait. Si s'ils nous font une adaptation du Petit Chaperon Rouge à la sauce réponse, il n'y a pas de problème. Ah ouais, ça serait tellement bien. Ce serait drôle, là. Ouais, c'est vrai que... Bon, un loup complètement... un petit chaperon rouge, un peu badass, et puis un loup complètement à côté de la plaque. Mais ils avaient déjà fait... Enfin, c'était pas Disney, c'était... je sais plus comment... Le Chaperon Rouge, la vraie histoire ou un truc comme ça. Ouais. Là, j'ai pas vu, mais apparemment, c'était drôle. Qui était, ouais, qui était sympathique, ouais. Donc, voilà. Bon, passons de l'animation au film d'horreur. Voilà. Les Nouveaux Mutants, on en parlait assez récemment dans Parlons Cinéma. J'avais dit que, personnellement, ça m'intéressait et que je voulais en voir plus. Parce que l'idée me paraissait très originale et c'est justement ce que je voulais voir dans l'univers des super-héros. Donc voilà. Là, on a eu la première bande-annonce. Donc c'est un spin-off de la saga X-Men qui est réalisé par Josh Boone qui avait réalisé Nos Étoiles Contraires. Mmh. Voilà. Exact. Mais pour le coup, lui, il fait vraiment autre chose. Hein, ouais, bah oui, bah, c'est bien. Très bien, hein, c'est très bien. On retrouve au côté casting Alice Braga qui interprète le médecin en charge de s'occuper des jeunes mutants. Et les jeunes mutants sont interprétés par Maisie Williams, donc on connaît que de Game of Thrones. Oui. Anya Taylor-Joy qu'on connaît de Split. Charlie Heaton qu'on connaît de Stranger Things. Blue Hunt, The Originals et Henry Zaga de Teen Wolf. Voilà. Donc là, c'est le réalisateur a dit, enfin annoncé dans une interview à Entertainment Weekly que la Fox veut vraiment que les spin-off X-Men soient les plus différents possibles les uns des autres. Ils veulent faire un pur film d'horreur à l'intérieur de l'univers X-Men. Il n'y a pas de costume, il n'y a pas de super méchant. Ils essayent de faire quelque chose de très très différent. Donc voilà, ça c'est ce que Josh Boone a dit à propos du film. On a eu la première annonce et moi je suis enthousiasmé comme pas possible à l'idée de ce film et surtout, enfin l'idée que je m'en faisais et à la bande annonce que j'ai vue m'a rassuré dans l'idée que je m'en faisais. C'est-à-dire que vraiment c'est quelque chose d'original, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu chez les super-héros, peut-être Chronicles, mais qui a un petit côté film d'horreur et encore. J'ai pas de souvenir d'un vrai film d'horreur qui est en rapport avec les super-héros. Et c'est tellement une effectivement. C'est tellement une bonne idée. Je comprends pas comment personne n'y a jamais pensé. Et avant ça, et c'est très bien qu'il le fasse. Et de ce qu'on a vu là, en tout cas, la bande-annonce a l'air vraiment cool. L'ambiance, c'est une genre d'hôpital. Qu'on peut dire hanté, mais je pense pas que ce sera vraiment le cas. Ce sera plus. À mon avis, ce sera beaucoup plus ambigu que ça. Hein. Ouais, c'est ça. Et surtout, le fait que comme c'est des mutants assez jeunes, ils ne contrôlent pas encore leurs pouvoirs, etc. Donc c'est ça. Je pense que ça va beaucoup se jouer là-dessus. Ça va jouer beaucoup là-dessus. Et ça va être super intéressant, je pense. S'ils arrivent à délivrer la promesse qu'ils ont donnée. Ça pourra donner un film super cool, vraiment original, et quelque chose qu'on n'a jamais vu, vraiment. Donc voilà. Eddie, toi, qu'est-ce que tu en as pensé ? Je me souviens qu'on en avait parlé, tu disais, ouais, je veux voir la bande-annonce. Donc, ouais, et bah du coup, je prédis un bon film. Enfin, moi, c'est ce que ça m'augure. Ouais. C'est vrai que ça a l'air intéressant, et comme tu le dis, original. Moi, après, je connais pas du tout ces mutants-là. Ouais, moi je sais même pas s'ils ont donné leur nom de mutant dans l'article, mais non, il y a même pas les noms. Mais c'est des mutants que je crois que j'avais lu une ou deux fois, mais je les connais pas non plus énormément. Oui, j'ai pas l'impression que ce soit très connu du. Mais justement, c'est très bien, c'est très bien, c'est parfait pour les présenter en plus. Parce que plus tard, après, ça pourra devenir peut-être des membres officiels des X-Men. Et ça peut être aussi très ça cool. Assure la nouvelle génération, c'est quoi. Ça ouais. Donc voilà, tu as quelque chose à rajouter ou pas spécialement? Je suis curieux, quoi. Ok, très bien. On passe à la suite avec la bande annonce de Black Panther, donc le prochain film Marvel. C'est la première bande annonce qu'on a eue, il me semble. De Black Panther. Non, c'est la deuxième. Non, c'est la deuxième, ok, bon ben voilà. Je me suis déjà trompé. Ah oui, c'est vrai, c'est la deuxième. J'ai complètement oublié la première. Et on a aussi droit à une affiche qui est dans les standards de Marvel. Parfois c'est dégueu, parfois c'est pas mal. Et là, c'est pas mal, voilà. Oui. On va pas parler de Spider-Man Homecoming. Donc là, on a un casting assez dingue sur ce film. Donc on retrouve Chadwick Boseman pour Black Panther. On a aussi Michael B. Jordan qui jouera le méchant du film. On retrouve Lupita Nyong'o, Forest Whitaker, Angela Bassett, Martin Freeman, Andy Serkis, Daniel Kaluuya qui était la star de Get Out, ou encore Danai Gurira qui est Michonne dans The Walking Dead. Voilà. Donc pour rappel, Black Panther, donc le film se situe après les événements qui se sont déroulés dans Captain America Civil War. T'Challa revient chez lui prendre sa place sur le trône du Wakanda, une nation africaine technologiquement très avancée. Mais lorsqu'un vieil ennemi ressurgit, le courage de T'Challa est mis à rude épreuve, aussi bien en tant que souverain qu'en tant que Black Panther. Il se retrouve entraîné dans un conflit qui menace non seulement le destin du Wakanda, mais celui du monde entier. Voilà. Le film sortira le 14 février prochain dans nos salles. Donc, deuxième bonne annonce. La première a été m'a beaucoup marqué, puisque je l'ai oublié carrément. Mais celle-là est plutôt pas mal. En fait, je suis un peu... pas désemparé, mais j'ai deux avis sur le film. J'ai deux côtés. J'ai un côté où j'adore le personnage de Black Panther. J'aime beaucoup le fait qu'ils aillent dans un univers différent que la ville. Ah oui. Voilà, ça change. Même si on a l'impression qu'ils vont quand même y retourner dans la bande-annonce, puisqu'on voit plusieurs fois des plans de ville. Mais en tout cas, on change. Un peu de l'Amérique et on va en Afrique, et là ça change vraiment de scène et ça fait plaisir à voir, mais en même temps j'ai l'impression que ce qu'on va nous raconter c'est un peu toujours la même chose. Après on pourra me faire le dire oui mais tu dis toujours ça de Marvel, mais Marvel c'est normal, c'est toujours la même chose. Bah oui, mais moi je dis j'aimerais que ça change un peu, et voilà. Le film n'a pas l'air mauvais. En tout cas, je pense que j'irai le voir avec plaisir. Mais voilà, c'est toujours le problème pour moi avec l'originalité. C'est qu'on en a bouffé des films de super-héros qui se battent contre des armées ou des méchants pendant déjà bientôt 10 ans avec Marvel. Et on commence un peu à en avoir marre. Et c'est pour ça que, par exemple, il y a un Gardien de la Galaxie qui fait plaisir à voir, puisque c'est pas la même chose. Ou un Thor Ragnarok, parce qu'il y a un univers derrière qui fait plaisir aussi. Même si je l'ai pas encore vu, mais juste de ce qu'on a pu voir des bandes annonces. Et voilà, celui-ci, il y a l'univers qui me paraît assez intéressant, même si j'ai l'impression qu'on retournera quand même à New York ou en Amérique, bien sûr. Mais voilà, après, ça a l'air d'être une histoire assez banale. C'est un peu dommage, je trouve. Alors, toi, qu'est-ce que tu as pensé de la bande-annonce ? Bah, moi, ça me botte sans me botter, en fait. Ouais, voilà, c'est pareil. ça a l'air intéressant, mais visuellement et tout, oui, c'est clair qu'il y a une proposition, tout ça. Les décors sont vraiment beaux dans la bande-annonce. Maintenant, est-ce que... Et le casting est bien aussi, hein. Enfin, clairement. Ouais, non, mais tout ouais. Finalement, tout est pas trop mal. Enfin, hein. Si c'était sorti en 2008, on aurait dit, mais c'est le meilleur film de super-héros qu'on a jamais vu. Mais voilà, il y a eu, je sais pas quoi, 15 films qui sont sortis comme ça dans les 10 dernières années. Donc, au bout d'un moment, c'est un peu dur de voir la différence entre chaque film, quoi. C'est ça, en fait, c'est que du coup, on sait pas trop. On ne sait pas trop comment, si ça va vraiment être un nouveau Marvel comme un autre, ou si ça va vraiment être une vraie claque. Enfin, avec Marvel, on est toujours maintenant, c'est le nouveau Marvel qui sort, quoi. Ouais. Et autant, c'est vrai que le nouveau Thor qui vient de sortir, moi je ne l'ai pas encore vu, mais ça va venir, nous prévoyait quand même, ça va être c'est le nouveau Thor, mais c'est une ambiance complètement différente, et on va y aller... autant pour le personnage que pour le délire qu'il avait l'air d'avoir autour. C'est ça, en fait, il se prenait plus au sérieux. Et ça faisait plaisir à voir. Ah bah, surtout que Thor, on avait bien besoin. Hein. Ouais. Et Marvel, Black Panther, j'ai un peu l'impression que ça part dans le même truc que Thor, quoi. Ouais. Que les premiers. Ouais, que ça, ouais, c'est un truc mystique, enfin voilà, Ouais. oui, c'est clair, c'est ça, hein, c'est, mais après, voilà, ce sera à voir, ouais, je sais plus quoi dire, Ouais. je crois qu'on a à peu près tout dit, bon voilà, je pense qu'on ira quand même le voir, quand ça sortira, on en parlera. Moi j'espère une bonne surprise, hein, franchement, si le film peut me surprendre, je te demande que ça. Au moins un petit peu, quoi. Pas que je connaisse déjà la fin avant que je rentre dans la salle de cinéma. Ce qui s'est passé un peu avec Spider-Man et ce qui m'a un peu saoulé avec Spider-Man, c'était ça. Mais voilà. Passons à la suite. Avec le nouveau film de Paul Thomas Anderson, Phantom Thread, qui est le dernier film, normalement, d'après Daniel Day-Lewis, le dernier film dans lequel il jouera. Voilà. Après, ça reste des promesses d'acteurs. Hein. On sait très bien que parfois ils arrivent pas très bien à tenir. Qu'ils disent ouais, ça va être mon dernier film et finalement ils reviennent quand même. Bon, voilà. Daniel Day-Lewis dit que ce sera son dernier film. Pour l'instant, c'est ce qu'il dit. Par contre, nouveau film de Paul Thomas Anderson, ça fait plaisir. Il y avait Inherent Vice qui était sorti en 2014. C'était son dernier film qui était vraiment sympa. Vraiment sympa, c'était pas. Moi j'aime beaucoup Paul Thomas Anderson, mais Inherent Vice c'était vraiment sympa, mais c'était pas son meilleur, clairement. The Master non plus, c'était vraiment bien, mais c'était pas son meilleur. Et voilà, mais j'aime toujours autant Paul Thomas Anderson. D'ailleurs, il réalise et scénarise ce film, et aussi, très, très, très important, il s'occupe lui-même de la photographie. Donc quand même, c'est pas rien, parce que être réalisateur scénariste sur un film déjà, c'est un sacré gros boulot, mais Ouais. pour la photographie, c'est un autre boulot carrément à part, normalement, et si en plus il s'occupe de ça, en plus de diriger les acteurs et tout ça, enfin voilà. En tout cas, de ce qu'on a vu là-bas, c'est splendide, hein. La photographie est vraiment super belle, hein. C'est digne d'un Paul Thomas Anderson, c'est très travaillé, très léché. Au niveau du scénario, voilà ce que je voulais dire. Au niveau du scénario, ça se passe dans le milieu glamour de Londres, dans l'immédiat d'après-guerre. Le créateur de renom, Reynolds Woodcock, qui est interprété par Daniel Day-Lewis, et sa sœur Cyril Leslie Manville, qui est interprétée par Leslie Manville, sont au centre de la mode britannique, habillant la cour, les stars de cinéma, les riches héritiers, les mondains, les jeunes premiers et les grandes dames, avec le style particulier de The House of Woodcock. Les femmes vont et viennent dans la vie de Woodcock, fournissant à ce célibataire endurci l'inspiration et la compagnie dont il a juste besoin. Jusqu'à ce qu'il rencontre une jeune femme déterminée, Alma, interprétée par Vicky Krieps, qui devient bientôt un point d'ancrage dans sa vie en tant que muse et amante. Autrefois organisée et planifiée, sa vie taillée sur mesure se retrouve soudainement perturbée par l'amour. Voilà. Le film sortira. Juste à temps pour la cérémonie des Oscars, bien sûr, aux États-Unis et chez nous le 14 février 2018. C'est la première bande-annonce qu'on a eue moi ça me donne très envie. Comme j'ai dit, je suis très fan de Paul Thomas Anderson. Daniel Day-Lewis, ben, c'est pas un mauvais acteur, hein, comme on l'a dit avant. Je suis assez impatient. Et aussi, ça promet. Enfin, la bande-annonce est assez mystérieuse, justement, et c'est intriguant. C'est en tout cas très intriguant. Puisque, enfin, en tout cas, au début, on se dit, oui, ça va pas être un simple film sur le milieu de la mode Bah oui, à Londres. c'est pas oui, voilà. Ouais, c'est clairement pas un simple film sur ça. Et je pense qu'il va y avoir pas mal de rebondissements et de surprises. Et c'est tout ce qu'on peut attendre d'un film de Paul Thomas Anderson. D'ailleurs, Paul Thomas Anderson, qui avait été nommé 4 fois à l'Oscar dans la catégorie du scénariste pour Boogie Nights, Magnolia, There Will Be Blood et Inherent Vice, et qui n'a jamais gagné, qui sera sûrement renommé dans cette catégorie pour ce nouveau film. Voilà. Toi, est-ce que la bande-annonce te donne envie? Moi, après, les films Thomas, Thomas Anderson, j'en ai pas vu un, en fait. D'accord. Ouais. C'est un cinéaste qui a l'air assez particulier. Ouais. Et je me sens pas forcément prêt, en fait, pour le moment. À voir Je dis pas que je les verrai pas un jour, mais... Ouais, tu... Oui, enfin, l'occasion ne s'est pas encore présentée, quoi. Voilà, aussi oui. Mmh. Ouais. Donc bon. D'accord. Mais après, la bande-annonce est très jolie. C'est vrai que visuellement, c'est quand même assez beau. Ouais. Ouais. C'est très chic, très beaucoup d'élégance. Donc oui, moi, je suis assez. Je suis assez admiratif, en tout cas, du travail qui a l'air d'être fait sur ce film. Ouais, mais c'est un maniaque, hein, Paul Thomas Anderson. Ouais, ça se sent, hein. Ouais, c'est... Mais après, est-ce que j'irai le voir ? Je pense pas que j'irai le voir. Après, si j'ai l'occasion de le voir, pourquoi pas, oui. Mm-hmm. Ouais, d'accord. En tout cas, moi, je suis assez impatient de le voir. Bah oui, voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que je veux dire. C'est très joli, voilà. passons à la dernière news, du coup. Dont on va vous parler, et c'est la bande-annonce après Daniel Day-Lewis et Paul Thomas Anderson, où c'est vraiment très sérieux. Là, on va vous parler du film Les Aventures de Spirou et Fantasio, qui sortira en salle le 21 février 2018. Film français qui est l'adaptation de la BD de Franquin, bien sûr. Qui sera mise en scène par Alexandre Coffre, à qui l'on doit notamment les comédies Le Père Noël et ce qui est marrant sur Allociné, c'est qu'ils ne se sont même pas donné la peine de nommer le film, ils ont appelé ça Le Volcan, alors que c'est le film sur le volcan islandais avec Danny Boone, Eyjafjallajökull, voilà, c'est ça. Avec Danny Boone, du coup, voilà, Alexandre Koff qui a réalisé ces deux films notamment et qui va réaliser ce film. Donc on retrouve au casting Ramzi Bedia en Zorglub, le méchant Zorglub. On retrouve aussi Thomas Soliveres, qu'on a vu récemment dans Sale Gosse et Mon Poussin, en tant que Spirou. Alex Lutz, qui jouera Fantasio. Au niveau du casting, on a aussi Christian Clavier, qui jouera le scientifique Champignac, Géraldine Nakache, Vincent Dezania et Charlotte Gabry. Voilà pour le casting principal. Le scénario, l'histoire se passera entre l'Europe et l'Afrique, où Spirou et Fantasio, vont devoir faire équipe pour sauver Champignac et le monde. Voilà, ça c'est le scénario assez. Enfin, le synopsis assez pourri. Mais voilà. Bande annonce de film adapté BD, ça n'augure pas toujours quelque chose de très bon en France, en tout cas, clairement. Là, avant d'enregistrer avec Eddie, on en parlait rapidement et on a compté qu'une seule adaptation de BD live qui valait vraiment le coup, qui était vraiment très réussie, c'était Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre de Alain Chabat. Et à part ça, on n'a pas pu trouver une autre adaptation de BD qui valait vraiment le coup et qui était vraiment bonne. Voilà. Le film a les statistiques contre lui. c'est ce qu'on peut dire. Mais après, ça peut être une surprise. Mais pour moi, personnellement, de ce que j'en ai vu et des gens qui sont derrière, surtout, parce que c'est Alexandre Coffre, il est peut-être sympa, mais c'est pas Alain Chabat. C'est sûr. ça pourrait être sympa, mais en tout cas, moi, de ce que j'en ai vu, personnellement, ça me donne pas très envie. J'aime bien la BD de Franquin, j'en ai pas lu énormément, mais c'est quelque chose que si j'ai entre les mains, je lâche pas, parce que c'est vraiment très bien écrit et très bien dessiné. Et là, bon, les effets spéciaux aussi, ça a l'air très... En fait, ça a l'air d'avoir 10 ans de retard. quand on voit la bande-annonce, on a l'impression de voir. En fait, ils se sont dit les adaptations de comics, ça fonctionne bien. Il faudrait peut-être qu'on adapte ce qu'on a en réserve chez nous, quoi. Bon, Marsupilami, c'est déjà passé. Astérix, on a déjà fait trop. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire qui est vraiment très connu? Bon, bah, il y a Gaston qui va bientôt être aussi adapté et Spirou et Fantasio. Donc voilà. Moi, ça m'enchante pas trop, surtout au niveau. Enfin, Alex Luce, moi, c'est un acteur que je ne supporte pas, désolé. Hein. Quelqu'un que. Enfin, c'est juste en tant qu'acteur, je trouve pas très, très bon. Après, Thomas Soliveres, je l'ai vu que dans la bande-annonce et moi, il m'a déjà un peu énervé. Donc c'est clairement pas. Enfin, après il y a du bon casting. Hein. Enfin Christian Clavier, Ramzi Bedia. Le problème c'est que Christian Clavier, ouais, on le voit dans tous les trucs. C'est quoi. Ça. Le souci c'est que maintenant Christian Clavier c'est plus ce que c'était aussi, clairement. Mais il y a, enfin voilà, Vincent Desagna, il y a Ramzi Bedia, Géraldine Nakache aussi qui est bien. Mais voilà, ça personnellement moi ça n'augure pas quelque chose de très bon. Eddie, toi, est-ce que tu attends ce film et qu'est-ce que t'as pensé de la bande-annonce? Enfin, je l'attends pas spécialement. Ouais. Est-ce que t'es familier avec l'univers ou pas du tout? Pas tant que ça, non. Mais je trouve que, enfin, je connais pas j'ai pas lu les BD, j'avais dû voir, il y avait dû avoir une petite série d'animation. Ouais, il me semble. Ouais. Mais du coup, non, je l'attends pas spécialement, mais j'ai pas trouvé que la bande-annonce était si mauvaise que ça, ça va quoi, c'est pas. Ouais, non, c'est pas. Enfin voilà, mais ça, personnellement, c'est la bande-annonce que j'ai déjà vue. Enfin, c'est la bande-annonce que j'ai déjà vue au Marsupilami, Adèle Blanc-Sec. Ouais, voilà. Enfin voilà quoi, c'est vraiment la bande-annonce d'adaptation. Après, de BD. Je trouve que juste Alex Lutz, c'est peut-être un peu trop vieux pour le rôle, je sais pas. Ouais, c'est vrai que ça flash surtout en face de Thomas Soliveres qui est assez jeune. Normalement, ils sont à peu près censés avoir le même âge. Donc là, c'est sûr que ça ne va pas. L'écureuil, j'ai déjà oublié s'il était en CGI ou pas. Tellement il m'a marqué, mais. J'ai même pas fait gaffe à l'écureuil. Non, je crois pas qu'il est en CGI et je crois que c'est plutôt une bonne idée d'ailleurs de pas le faire en CGI. Voilà. Bref, on reste en attendant. Moi personnellement, je pense pas que j'irai le voir au cinéma, clairement. C'est pas quelque chose qui me donne envie de donner mon argent. Non, c'est clairement. Sûr. Il y a d'autres choses à voir et donc ça sortira le 21 février 2018. Voilà, pour ceux qui s'intéressent. Et ça se trouve, ce sera une bonne surprise et oui, tout le monde dira. Oui, après, faut s'attendre voilà. À tout. Hein. C'est ça. Donc voilà. On a fini cette émission et finalement on a duré plus longtemps que ce que je pensais. Donc voilà, merci à vous tous d'avoir écouté ce 26e épisode du Parlons Cinéma. Merci à toi Eddy d'avoir participé. C'est toujours un plaisir de t'avoir à mes côtés. Mais merci. Pour parler. Plaisir partagé. Nickel. Et on a maintenant. Ah oui, je suis désolé, j'ai eu un moment d'hésitation. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous rappeler où est-ce que vous pouvez nous retrouver. Donc c'est sur, pour Movies Nerd, c'est moviesnerd.net, le site où vous pouvez retrouver toutes nos critiques et nos émissions audio et vidéo. Ensuite, pour les réseaux sociaux, c'est sur Facebook et Twitter. Donc Facebook, c'est moviesnerd tout court et Twitter, c'est movies_nerd. Vous pouvez noter le podcast sur SoundCloud, sur PodCloud et sur iTunes ainsi que sur Sens Critique, mais sur iTunes et sur PodCloud c'est un peu plus important parce que ça nous fait monter dans les classements des podcasts et c'est toujours sympa. Voilà, et je crois que c'est tout pour Wisner. Donc moi vous pouvez me retrouver sur Twitter, sur Sens Critique, sur Movies Nerd et sur top250.fr, TheLexal, THELEXAL, voilà. Eddy. Eh ben moi c'est Istark sur YouTube, Sens Critique, Facebook, Top 250 aussi. Je crois que c'est tout. Ouais. Twitter, mais bon, j'y vais jamais. Et voilà, c'est tout. Et je rappelle, enfin, et sur Wiesner, bien sûr. Oui. Et je le rappelle, enfin, je le fais pas souvent, mais au cas où, pour ceux qui se demandent si Eastark c'est avec un I, non, c'est avec un E. Voilà. Oui. parce que voilà. Soyez. Ça peut, enfin, on peut confondre facilement, j'imagine. Donc, oui, voilà. Oui. Alors, Eustark, si vous voilà, préférez. Voilà, c'est ça. E tiré du 6, Eustark. Voilà, parfait. De toute façon, vous trouverez tous ces liens dans l'article de Parlons Cinéma, ainsi que de toutes les news dont on a parlé. Et ben moi, nous, on vous dit à dans un mois à peu près pour le prochain Parlons Cinéma. Et d'ici là, ciao. Salut.